Retro Nouveau. C'est un tabarnak, là, c'est un tabarnak. Les artistes AAA et les podcasts et tout. Tabarnak. Tabarnak. C'est un tabarnak. Aïe, aïe. Bienvenue à l'épisode 80 de Rétro Nouveau. On est déjà sous. Eh ouais. Non, on n'est pas sous encore. Non, ça n'est pas si pire que ça. Non. Mais, ouais, épisode. Ouais, on s'est fait des pintes ouais. de chips de Hoogarden. Des pintes de chips. On est rendu à boire des chips. On n'a plus de bol. Fait qu'on a des pintes de Hoogarden de chips. Aux ailes de poulet. Ah ouais. 50 jaunes de pisse. Ouais, hein, on dirait du jus de pomme. Ouais. Du jus d'ananas, man. C'est de la Hoogarden. Ouais. Écoute. Fait qu'épisode 80. Hey, brumeuse. Ouais. Ouais, épisode 80, mon gars, parce que là, ben c'est ça, on réexpliquera pas toute la patente. Mais... Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a un chiffron, 75, on l'a fait. Ouais, c'est 70. Ça. 70. Ben, on va le dire vite, c'est parce que c'était 39 épisodes. Après ça, on a coupé, on est parti en vidéo. Exact. Là, on a recommencé le podcast, on a fait 39 autres épisodes. Fait qu'on s'est dit 39 plus 39. C'est vrai 80. Exactement. Fait qu'on a 80 épisodes de fait. Mets ça dans ta pipe, gros colon. Mais c'est ça, fait non, qu'on est rendu à 80. Il n'y a personne de colon, j'entendais dire ça. Présentement, tu vois nos likes descendre. On follow. Destroy. Mais non, c'est ça. Parce que, Chris, on a travaillé fort. Fait oui, on a travaillé fort. On veut avoir les chiffres. Ben oui. Le chiffre. C'est important d'avoir le vrai chiffre. Parce que là, on est tétané de ne pas avoir le vrai chiffre aussi. Là. Exact. Tu sais, il y a du monde qui pense qu'on est là depuis 39 épisodes. Puis nous autres, on est là en bas. Puis on se dit, on pourrait peut-être être un peu plus prestigieux. Puis on est là. Puis on est là depuis quand? On est là depuis 2011. 2011. Oh, 2011. Oui. On s'était trompé. On s'était trompé. On pensait que c'était 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était écrit fièrement sur notre logo qu'on existait depuis 2012. On avait même un GIF animé sur oui, le site web. Oui, exact. C'est que c'était là, en plus. Oui, parce que en fait, nous autres, on s'en fait pas avec les chiffres, tu sais, mais on voulait dire, ça fait un bout qu'on existe quand même. Mais là, il y a un fan, et ce fan-là, je veux le renommer parce que quand même, Jeff, tu l'as-tu trouvé tantôt? Notre fan qui a dit ça. Là. Mais on a un fan qui est arrivé avec ça, qui nous a dit... Hey, vous existez depuis 2011, les gars. Pourquoi vous écrivez 2012? Fait que c'est un fan qui nous a dit ça. Là, nous autres, on regarde ça. On fait comme... Fuck yeah! Là, on change tout nos affaires. Vite, changez les logos! Ouais, c'est ça, changez les logos, changez tout. Fait que, merci. Mais il a trouvé ça, en fait, sur ton vieux blog. Oui. Ouais, une vie de gamer. Une vie de gamer, ouais, c'est ouais, ça. Il avait trouvé ça sur une vie de gamer. Moi, en fait, après je suis allé vérifier parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, mais en même temps, on perd la notion du temps, mais franchement, puis moi, je suis retourné voir dans mes archives personnelles, je suis retourné voir genre dans une espèce de backlog derrière le site parce que quand on va sur le site, on voit pas exactement les vraies dates. Mais là, on pouvait aller voir les dates sur notre ancien blog Tumblr. Il était encore là, ouais. C'était fucké. Là, fait que là, on voyait encore ça, une vieille affaire, puis ça écrivait qu'on existait depuis avril 2011, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Ah, ça l'est, c'est Jean-Sébastien Bédard. Oui! Il dit « Rétro Nouveau me semblait aussi, surtout que je me souvenais avoir écouté un épisode spécial des meilleurs jeux de 2011. » Ouais, c'est ça. Petite question. Pourquoi est-ce que c'est écrit 2012 sur votre logo? Vos plus vieux épisodes datent d'avant 2012, non? Non? Point d'interrogation, me semblait aussi. Alors, merci Jean-Sébastien Bédard. Il nous suit depuis longtemps. Ben oui! Hey, ça, c'est un trooper. C'est cœur, hein? Un vrai trooper. Puis, il doit être génie. C'est un génie parce qu'il étudie en génie à l'ETS. Ah, ben là. Fait que voilà. C'est pour ça. Ben, nous autres, on a toute une gang de 100 génies. Nous autres, on est tous des colons d'artistes. Ben, pas toi, là. Ouais. Toi, t'es pas parti de la gang. Ouais, c'est ça. Non, toi, t'es le gars de lambda. Ouais, c'est ça. Toi, t'es le frat boy. Le podcast 2011, mon burn-out 2012, c'est ça. Ouais, exactement. C'est là que la côte a commencé à descendre, là. Le char s'en va vers le lac tranquillement. De reculons, c'est ça? Direct dans l'eau. Alright. Fait que c'est ça, puis finalement, à part de ça, on voulait dire qu'on a une boutique en ligne. Oui. Jean-François, take it away. Ouais, la boutique qui est administrée par Young Media, en fait. Ouais. J'ai pris tous les projets dans lesquels on est impliqué, moi, nous autres, tout le monde, puis j'ai fait un genre d'une grosse boutique, ça serait des sexes avec ça. On pourrait appeler ça un conglomérat. Genre, une grosse organisation. Là. Ouais. Bon mot, ça. Ben, je t'en affaire. Hein, ouais, hein, c'est ça. Ben, c'est là que, justement, notre ami qui a trouvé la date a allumé quand on a sorti de la boutique parce qu'il a dit « Hey, les t-shirts 2012, c'est pas 2011. » Bruno dit « Fuck, ferme la boutique! » Après avoir passé 6 heures à remplir des affaires puis des logos. Mais c'est ça, dans le fond, ça regroupe le gear d'Arcade Montréal, de Rétro Nouveau. Rétro Nouveau. Young. Young, la soirée de podcast. La Jazette. La Jazette, RZO. Bon, c'est vous, pareil. Des t-shirts, des tasses, des sacs, des couvertes. Mais oui, n'importe quoi qui peut s'imprimer. Ben, tout est là-dessus. Ouais. Puis, on a eu des demandes cette semaine. Il y a des gens qui voulaient avoir des t-shirts logo noir sur fond blanc, puis logo blanc sur fond noir. Ils sont pas faits, mais ça s'en vient. Je vais le faire au courant de la semaine. Génial. Moi, j'en prendrais un logo noir sur fond blanc. Je manque de t-shirts. Hey, d'ailleurs, c'est important de préciser que pour ceux-là qui ont commandé, votre t-shirt n'arrivera pas avec un depuis 2012, va arriver avec un depuis 2011. Ouais, non, parce que le artwork s'est changé aussitôt. Mmh. Les commandes n'étaient pas parties. Fait que n'ayez crainte, ouais, vous allez avoir la vraie affaire. On a communiqué avec nos avocats, on a racheté un batch de 2012. Ouais. On est retombé dans le rouge, moins 10 000. Ouais, le Patreon, on a tout racheté shot, les coussins, les rideaux de douche, les ordonnances. Tout que ça dans un container, tirer ça dans le fleuve. Le rideau de douche. On a tout mis ça dans le char qui a roulé vers le fleuve. Exact. Quoi que je me suis gardé un rideau de douche pour mettre dans le fond de la cage à hamster. Ouais, c'est toujours pratique. Ils sont bien faits. Mais sachez que l'argent ne va pas à Young non plus. C'est splitté entre chaque projet. Oui. Puis on fait pas beaucoup d'argent avec ça non plus, d'ailleurs. Non, vraiment pas. Le but, c'est vraiment plus que les gens puissent se procurer. Ah, c'est pas payant pour tout. Là. C'est des grenouilles. Là. Ouais, exactement. C'est bon de préciser que ça a été six. On fait vraiment pas beaucoup d'argent avec ça. Moi, d'ailleurs, c'est ça avec la manette. J'ai relancé la chose parce que c'était un peu... C'était un peu tranquille, disons, dans la dernière année où je me suis concentré un peu plus sur ma carrière. Puis là, en fait, j'ai relancé ça pour justement pouvoir dire aux gens quand est-ce qu'il y a des spéciaux tout ça. Mais sachez que je fais vraiment pas beaucoup d'argent avec ça, pour vrai. Je le fais vraiment parce que le monde me l'a demandé. Puis qu'il y a une demande. Mais tu viens pas de changer de char. C'est ça. Je te niaise, man. Continue. Hey non, s'il y a de l'eau qui coule dans mon char, mon gars, je sais pas d'où c'est que ça vient. Pour vrai? Je capote. Non, char. Pas mon nouveau char. Ok, ton char américain. Mon char américain, ce qui est en miles. Fais un trou dans le plancher, puis tu sais, ça va couler. Ouais, c'est vrai. Égalise ça. Non, ça coule sur le banc d'en avant, sur le banc du passager. Hey, c'est le fun en toi. Si y a quelqu'un qui rentre dans mon char une journée comme aujourd'hui qui pleut, là, ben ça y coule sur l'épaule. As-tu un toit ouvrant? Ah! Non, j'ai pas tout ouvert. Non. C'est là que ça te prenait un rideau de douche rétro nouveau 2012, moi. C'est une fissure quelque part. Parce qu'il y en a des rideaux de douche, hein. Sachez-le. Ben oui, non, on n'y aise pas. Il y en a. C'est carré. Pour vos enfants, là, eux, ils voulaient Star Wars, mais j'aime non, ils vont avoir rétro nouveau. Sur le logo d'Arcade Montréal. Ouais. Sur le dessus de la couverte, là. Mais moi, j'étais vraiment content. C'est le fun parce qu'on voit vos commandes. Puis, j'étais fier parce que moi, j'ai atteint un milestone. Il y a quelqu'un qui a acheté un rideau de douche. Pour vrai? Wow. Ouais, un rideau de douche. Ah, mais ça, c'est beau, les de Miss Pac-Man. Ah, c'est ça, c'est ça marche. J'étais vraiment content. Il ouais, y a c'est un génial, gars là. Qui a un t-shirt de RZO en circulation maintenant. Le oh. premier. Je ne me rappelle plus qui, mais merci. Tabarnouche, j'espère bravo. Que vous ne travaillez pas de la maison. Si on veut que ça se fasse voir. Ça va servir de pyjama. Le gars, il vient de Saint-Jules là, en Beauce, tu sais. Travailleur autonome. À l'étable toute la journée. Au contraire. Calvaire. Rosette et Pâquerette, ils vont voir le logo. Ils vont donner un peu plus de lait. Lucien Higuère. Lucien Higuère. Bernard Baron. Je parle de même en Beauce. Fait que ouais, on devrait passer aux critiques. Ben oui, parce qu'on a, aussi, on a tellement de rires faciles à soir que la soirée va être ouais, ben justement, là, on ricaneuse. Va casser ça parce que là, je vais on va casser en, ça, là, ça va être je vais là. Devenir en tabarnak. Oh, fuck, ouais. OK. Là, on va vous expliquer quelque chose, puis tout est de ma faute, c'est sûr, mais quand même. Premièrement, je vais critiquer Mutant Mods Super Challenge, oui. qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Vous savez, les auditeurs de Rétro Nouveau, que je suis un grand amateur de Mutant Mods. J'ai adoré le premier. J'en ai fait mon jeu de l'année en... je ne sais plus quelle année que c'est sorti. Oui. Ça fait 2-3 ans. C'est une obsession. C'est une obsession chez moi. Oui. Et puis, c'est un excellent platformer. Or, là, Super Challenge est sorti. Puis ça, c'est exactement pareil. Les mêmes mécaniques, tout le même bonhomme, tout le kit. Puis il repart avec le même équipement qu'à la fin de Mutant Mods original. Fait que tu as tout en partant. Mais c'est ultra difficile, tu sais. Okay. Dans le dernier niveau de Mutant Mods, qui est comme pas faisable, ben là, c'est juste ça tout le long. Donc, j'étais content. Fait que j'avais bien hâte d'essayer ça. Puis j'ai une Wii U. Je me suis dit, je vais l'acheter sur Wii U, mais je vais jouer dans le gamepad. Ça va être comme un petit gros écran portable, ça va être le fun. C'est parfait, ça. Fait que j'ai fait ça. Puis quand je jouais sur ma grosse télé 40 pouces, il y a un lag, tu sais. Le platforming, c'est pas... j'étais pas bon, là, tu sais, je mourais. Mais dans mon gamepad, j'étais correct. Okay. Fait que là, je joue. Ouais, là, ça, c'est ta vision qui baisse. Le temps que tes yeux se rendent à la TV... ouais, c'est peut-être ça. Il y a un lag. C'est un lag naturel. C'est ça. Fait que là, j'ai une 3DS aussi, puis j'ai vu que ce jeu-là, il était cross-buy. Puis moi, cross-buy, cross-play, j'avais pas tout à fait capté le concept encore. Mais je me suis dit, ben cross-buy, ça veut dire je peux l'avoir là-bas, sur ma 3DS, je vais jouer à le métro. Fait que là, je vais sur ma 3DS, Mutant Mods, là, j'essaie de trouver comment dire à l'univers que je l'ai sur ma Wii U, tu sais. Mm-hmm. Là, je me dis, ben, je vais faire purchase, puis une fois que je vais être dedans, il va dire, ah, ben, c'est beau, tu l'as, c'est ta Wii U. Là, finalement, non, clac, je l'ai racheté une deuxième fois, man. Ouais. 20$ encore. Ça fait mal. Là, j'étais en crise, man. J'étais comme, mais comment ça? Là, je vais voir sur Internet, je fouille, c'est pas écrit nulle part comment faire. Là, j'ai réussi à trouver sur un forum ou whatever que pour le mettre sur ton autre console, faut que t'ailles dans le reçu que t'as eu en l'achetant la première fois. Mm-hmm. Tu scrolles jusqu'en bas, puis là, c'est écrit en bas, il donne un petit code, puis là, tu mets le code dans ton autre machine. Mais là, c'est épouvantable comme système. Ben là, c'est pas évident, tu dis. Moi, là, je suis comme, pourquoi est-ce que les machines comprennent pas que je l'ai déjà sur une machine? Comprends-tu ce que je veux dire? Quand je vais sur Mutant Mods dans ma 3DS, là, dans le magasin, là, de Nintendo, que j'ai logué in aux deux places, puis qu'il y a ma face partout. Pourquoi est-ce qu'elle catch pas, tu sais, que j'ai déjà le jeu? Ben oui. Il aurait dit, ah, vous avez déjà ce jeu, comme dans ton téléphone, tu sais, clic, télécharge. Ouais. J'étais en tabarnak, man. En tabarnak. Fait que, voilà. Mais par contre, j'encourage Renegade Kid, fait que c'est moins pire. Ouais, c'est fait ça. Que, ça, c'est bon, mais en tout cas, man, je serais vraiment déçu de la technologie à ce niveau-là. Il me semble que ça devrait se faire. Ben, seul, en tout cas, ça arrive pas ça, avec Sony. Ouais, c'est ça, hein? Fait que c'est ça. Désolé, c'est mais l'infrastructure faudrait que ça se passe parce que des caves comme moi, il y en a, puis on achète des jeux. Point, je pense, mais moi, je pense que c'est à cause c'est ça. Je pense que c'est à cause du Nintendo ID. Là, là ça va l'être, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ça va bien aller avec la prochaine. Parce que il me semble que tu dois même faire une association entre ton ID, ton device, genre ton 3DS. Ouais. Pas comme super naturel au niveau. Non, c'est, ouais, ça. C'est ça. L'interface. Tes deux consoles sont pas connectées. Ce qui fait aussi d'ailleurs que si t'achètes de quoi un titre NES sur ta Wii U, ben, tu sais pas nécessairement si t'as 3DS. Ouais, non, tu c'est rachètes ça. Une deuxième fois si t'as 3DS. Ouais. Mais là, il était cross-buy. Fait que, mais c'est ça, ça avait pas. En tout cas, ça pas de sens. C'était juste compliqué que c'est. En tout cas. Mais tu sais, avec quand j'avais joué à Guacamelee, ouais, ça a pas été compliqué. Ben, il était cross-play aussi. Oui. Fait que ça, c'est une autre affaire que j'ai catché. Ah, il n'est pas crossplay. Donc, je recommence ma game. Ah, ben là, je vais pas recommencer ma game. Paye plus cher. Recommence. Recommence tout. Fait que, bon, pour en venir au jeu, mesdames et messieurs, il y a un météorite qui semble crasher sur Terre, là, sur le pays d'où tu viens. Et puis, là, tu te ramasses comme en dessous de la Terre. Tu as 4 niveaux à faire. Dans chacun des niveaux, il y a 5 sous-niveaux à faire. Et puis, dans chacun de ces niveaux-là, il y a 4 choses. Il faut que tu finisses le niveau normal. Faut que tu ramasses toutes les scènes dans le niveau normal. Faut que tu trouves le niveau caché. Puis, il faut que tu ramasses toutes les... Tu le finisses, puis que tu ramasses toutes les scènes dans le niveau caché aussi. Fait que tu as 4 choses à faire par niveau. Puis, si tu réussis à faire toutes ces 4 choses-là dans tous les niveaux, tu as un boss à la fin de ce monde-là. Comprenez le principe? Oui. Donc, c'est ça. Mais ce qu'il y a de le fun, par exemple, puis je le répète, c'est la même affaire que dans le premier, les niveaux là-dedans qui sont cachés, c'est V-World ou bien B-World. Quand c'est V-World, c'est pour Virtual Boy World, t'sais. Fait que tout est rouge. Pis, ah ouais? Ouais. C'est puis l'autre, c'est G ou B, en tout cas, c'est pour Game Boy, fait que tout est vert. Donc, ça, nice. C'est un beau petit clin d'œil. Ça sert à rien, c'est juste cool, tu sais. Oui. Donc, puis tu peux ramasser des disques aussi, comme on voit à l'écran présentement. Donc, ça unlock des tunes. Et puis, dans chaque niveau, il y a aussi des skins de cachet. Puis j'ai entendu dire qu'il y a Shovel Knight, que j'aurais vraiment aimé trouver. Mais ils sont super durs à trouver, là. Il y a des scènes cachées, ils te donnent un petit indice, tu sais, tu vois un peu au travers des murs. Mais les skins, ils te donnent aucun indice, là. Donc, vu que c'est un jeu qu'il faut que tu complètes à 100% et que tu ramasses tout, ben, un coup que j'étais en train de faire ça, j'avais plus la force de chercher les skins, tu sais. Parce que c'est vraiment difficile. Ah, j'étais épuisé, sérieux. Hey, ça a l'air, là. D'ailleurs, je l'ai pas fini, hein. Et j'ai tout battu les mondes. Là, je suis rendu... Un coup que tu bats tous les mondes, ils te redonnent encore 5 niveaux à faire, plus un ultime boss. Mais là, ces niveaux-là, man, là, c'est pire que pire, sérieux. Ah, ouais. J'ai réussi à m'en sortir pas mal dans le monde normal. Mais à la fin, là je suis découragé. Là, ça me tombe plus. Là. Je vais prendre une pause, ouais. Mais je vais y revenir. Puis là, vous voyez à l'écran ici, t'as ton weapon select, là, c'est tout, soit que t'as le bazooka qui tire plus fort, t'as un jetpack qui dure plus longtemps, ou l'autre, il te propulse dans les airs, l'autre jetpack, très haut, là, par en haut. Fait que dans chaque niveau aussi, faut que tu utilises, comme il faut, une de ces armes-là, pour soit passer dans le, tu sais, comme débarrer une porte pour aller dans le prochain niveau, ou jumper très haut à une place pour atteindre le monde caché, tu comprends? Faut que tu utilises ça comme il faut. Mais moi, là... Faut que tu le fasses au début du niveau. Faut que tu le fasses au début du niveau. Fait que si t'es rendu dans la moitié du niveau, là, tu vois qu'il y a une porte, un monde qui est caché derrière une porte qui nécessite le bazooka, puis tu l'as pas pris, t'es comme, bon, tu ressors, tu vas le chercher, tu refais le style niveau. Mais moi, là, j'ai pas vu ça avant très longtemps qu'on pouvait avoir des armes spéciales, qu'on pouvait les prendre. Parce que au début, il y a comme un souterrain dans le plancher, tu sais. C'est vert sur vert. Tu vois pas que c'est une genre de plateforme. Là, je cherchais sur Internet. Je me dis, Chris, je suis bloqué à des places. Oui. Je serais supposé avoir de l'armement, tu sais. Je l'ai pas trouvé nulle part. J'ai regardé comme il faut. Et finalement, il était juste là, en dessous de mes pieds, depuis le début, tu sais. J'avais rien qu'à dropper down, mais la plateforme verte, sur un background vert, je la voyais pas. Fait que, tu sais, j'ai niaisé crissement longtemps pour rien. Mais je suis quand même fier de moi d'avoir accompli autant avec fuck all. Fait que ça, c'est bon. Ça me fait penser à moi, la première fois que je joue à Megaman 1, en fait, là, sans le livret. Là, ouais, c'est ça. Je savais pas que tu changes les armes. Puis tu sais, le P-shooter tout le long. Tu sais, exact. Ça a été correct, disons. J'ai pas fini. Ça forme une jeunesse. Ouais, ah ouais. Ils ont rajouté une couple d'affaires, des genres de monstres fantômes que tu peux pas tuer. Fait qu'il faut que tu les évites comme il faut. Mais tu pognes des armes qui les tuent, mais ils respawn. Comme là, tu vois, le genre de fantôme, il est vraiment fantôme dans l'univers de fantômes. Donc, c'est un boss, lui. Ils sont cute, les boss, là. C'est bien bon. La musique est excellente. Tu sais, j'ai rien à redire, là. C'est vraiment... Mais si t'as jamais joué à Mutant Mods, tu vas rusher en tabarnak, là. Tu vas vraiment rusher, là. Moi, je te recommande de jouer au premier, là, avant de te garrocher là-dedans. Ça, c'est vraiment pour les experts. D'ailleurs, le créateur l'a dit. Ça, c'est comme l'équivalent d'un Mario Lost Levels, là. Tu sais, ouais. C'est pas de la petite bière, là. Exact. Mais c'était un beau challenge, puis c'est pas irréalisable non plus. Là, tu vas mourir, mais tu vas être comme « Ah, ça y est, que tu t'en vas, Chris, c'est sûr, je vais l'avoir la prochaine fois. » C'est pas genre « Ah, oh, si, non, je sais pas quoi faire, je vais le tu vas finir par y arriver. Puis ça joue très bien avec les dimensions. D'ailleurs, tu as genre 4 profondeurs. Là, ouais. Tu as la normale qu'on voit à l'écran présentement. Tu en as 2 autres de plus profond, puis t'en as une de vers nous autres, là, dans le fond. Fait que des fois, ton bonhomme, il est super gros dans l'écran, puis les choses t'arrivent dans la face. Donc ça, c'est très drôle aussi. J'ai trouvé ça bien fait. Ils ont mis un niveau, un monde de glace, un monde de nuages, un monde de collines normales. OK. Puis, ça, c'est-tu à la fin, ça? Non, ça, c'est... T'as dit 5 minutes. T'en restes un 2. Il me reste 2 minutes? OK, c'est ça. Fait que... puis un monde de feu, je pense. Donc, les classiques. Donc, je l'ai pas fini. Je suis rendu presque à la fin. Puis, à la fin, il ne doit pas avoir grand-chose. Je sais pas si on débloque la grand-mère. Ouais. Là. La grand-mère est cool dans le premier parce qu'elle a tous les armements en même temps sur elle tout le temps. Grandma. Donc, elle est vraiment brutale. Alors, mais tu trouves-tu que c'est un peu du vol d'avoir vendu ça 20$? Il est-tu 20$? C'est ça, je me rappelle. Ben, je sais pas, tu m'as dit que tu as donné 20$. Non, mais c'est parce que ça sonne vraiment comme une extension. Ah, mais c'est gros, là. Il y en a du stock. Okay, okay. T'sais, les niveaux sont vastes. C'est comme je dis, il y a plein de skins, il y a plein d'affaires. Tu as du stock à faire. Okay, c'est pas si. t'sais, le gars, il a mis de du temps là-dedans, oh, ouais. Ça paraît. Là, ça... D'ailleurs, c'est comme un expansion pack, mettons. Là. Ouais, mais ouais. Un gros. Pas un DLC, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est pas comme une, deux, trois petites affaires. Là. C'est... Mais moi, je trouve que c'est carrément un autre jeu. Là. Okay. C'est quoi, c'est Jules son nom, je pense? Jules Watan, c'est ça. Quelque chose de même. Mais lui, c'est un maniaque. Là, mais lui, il est tout seul, il fait tout c'est seul. C'est ça, là. Il fait tout seul. C'est lui qui a fait Zero Drifter aussi, ouais. En passant, là, The Renegade Kid, dans le fond. Donc, c'est son turf, là, ces séries-là. Donc, voilà. Moi, j'ai donné à ce jeu-là... Combien, longueur 4.5? Ouais, oui. C'est ça. Ouais, parce que j'ai fait mes notes il y a longtemps. J'avais oublié. Fait que, c'est ça. Ben, écoute, c'est pas un jeu... J'ai pas mis 5 parce que c'est pas comme... C'est dur d'avoir de quoi être parfait dans la vie. Là. Ben oui. Mais c'est pas assez différent de l'autre pour que j'aie mis un 5, ouais, mettons. C'est ça. Mais c'est toute la même expérience, mais tu sais, comme plus tough encore, faisable, tu sais. Puis vu que je suis un grand fan de l'autre, c'est ça. Moi, j'ai pas peur de donner ça. Les hardcore fans vont être servis. Oh oui, totalement. Mais c'est ça, c'est pas fait pour les newbies, là. Non, c'est pas pour les... c'est tough. Mais ouais. C'est le monde devrait commencer par Mutant Mods. C'est ça. Mais c'est tough dans ce que c'est, tu sais. Ouais. Mettons, Meat Boy, Super Meat Boy, c'est tough, mais c'est très différent de ça, tu sais. Ouais. Mais c'est un genre, essayez-le, il doit y avoir un démo, une façon de. Il y avait un démo du 1, là, ça. Oui, le premier, un démo, ça. Mais le nouveau, peut-être pas, là. Non, mais si vous aimez la mécanique, c'est la même affaire dans l'autre, là. C'est juste de bien contrôler. Juste être meilleur. Exact. Soyez bon. Oui, c'est ça. Mes frères. Soyez prêts, vous autres. Sois donc meilleur. Le jeune. Fait que moi, je vais enchaîner avec. Hein, tu as vu, méchant, segway, malade. Parce que le jeu dont je vais vous parler. C'est Kingdom Hearts X Unchained. Ça, c'est Enchaîné. Un jeu de rythme. Ouais. Non, c'est pas un jeu de rythme. Non, j'étais sûr. Non, oui. Non. Non, c'est pas un jeu de rythme en tout. C'est Kingdom Hearts, en fait, celui-là, c'est un peu ce qui va nous faire patienter jusqu'au troisième jeu. Kingdom Hearts, c'est une série que j'adore et si vous connaissez pas, c'est un peu comme si Final Fantasy rencontrait l'univers de Walt Disney. Fait que, puis d'ailleurs, si vous connaissez pas Kingdom Hearts, lâchez tout après le podcast et puis. Merci de m'avoir suivi. Puis allez jouer aux rééditions HD de Kingdom Hearts. Il y en a deux qui sont sortis. Sur PS3, puis c'est vraiment de la bombe, c'est vraiment des Christy de bons RPG. C'est des action RPG en fait. Puis dans les Kingdom Hearts, on incarne Sora, qui est un petit garçon, puis il se bat avec une espèce de grande clé, qui est la clé, on dirait, du Magic Kingdom. Dans Unchained, c'est pratiquement la même chose, c'est juste que ça serait... Attends, là, c'est pour les téléphones, ça? Oui, c'est pour les téléphones, ça. C'est un jeu mobile. Oui, c'est un jeu mobile, c'est pas un jeu de console. C'est un free-to-play. Fait que, déjà, en partant, il y a deux affaires qui fonctionnent pas pour lui. Puis moi, je rentrais là-dedans vraiment enragé. Mais... Non, t'étais furieux, tu sais. J'étais furieux. Mais c'est ça, je suis un uber fan de Kingdom Hearts. J'adore cette série-là profondément. Fait que je me suis mis à jouer, puis vraiment, c'est génial. Ils ont utilisé, c'est exactement la même équipe qui a travaillé sur les Kingdom Hearts jusqu'à maintenant. Puis c'est une équipe qui tient à cette série-là, qui veut la voir grandir, puis la voir avoir du succès. Donc, ils n'ont pas fait ça tout croche de main morte. Là-dedans, on va déjà au départ faire notre avatar, fait qu'on a le choix d'être un petit gars ou une petite fille. Et puis, on va se promener dans l'univers de Disney pour aller tuer les Heartless, finalement, qui est comme des espèces de petits monstres noirs. La façon qu'on fait ça, c'est qu'on arrive, puis on a notre Keyblade, puis on a aussi des médailles. Ces médailles-là, c'est ça qui est un peu nos attaques spéciales. Au départ, on a juste 3 médailles qu'on peut mettre dans notre roue. On a une roue qui nous donne la place pour 5 médailles. Puis ce qui fait en fait qu'on a 5 coups. On a 5 coups par personnage ou par vague de personnages. Puis dépendant de la médaille qu'on a, ils vont donner des coups plus forts, des coups spéciaux, caractéristiques. Comme mettons, il y a une médaille de Goofy, il y a une médaille de Mickey, il y a une médaille aussi... de tous les personnages qu'il y a eu dans tous les Final Fantasy, puis dans toutes les choses que Disney a faites. Pour se battre, c'est juste c'est taper ou swiper. Si on tape, ça attaque un ennemi précisément. Si on swipe, c'est-à-dire si on glisse le doigt sur l'écran, là, à ce moment-là, on va frapper un groupe d'ennemis. Ce qui fait que ce jeu-là est intéressant et le fun, premièrement, il est vraiment pas compliqué. Puis j'ai lu que des créateurs l'ont fait justement pour introduire certaines personnes qui connaissent pas la série à s'y intéresser, à s'intéresser à l'univers surtout de Kingdom Hearts, puis voir à quel point ça fonctionne bien. Donc là-dedans, on frappe des ennemis, on a des petites quêtes qui sont faites vraiment pour du jeu on the go. Puis c'est ça, nos petites quêtes, ça, mettons, va détruire tel ennemi ou détruit cet ennemi-là en tel nombre de coups. En tout cas, t'as des petits défis comme ça dans toutes tes quêtes. Puis tes quêtes t'amènent dans plusieurs univers de Disney. Ce qui est pas mal de fun pour le free-to-play, c'est que je suis déjà rendu au niveau... Je suis rendu level 23, je pense. J'ai pas dépensé une scène encore dans le jeu. Ah ouais. Puis je vois pas vraiment... Take that, Disney. Ouais, take that, Disney. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils te forcent pas à acheter quelque chose jamais, à aucun moment. Ouais, mais est-ce que t'es limité au niveau du temps de jeu, tu sais? Tu comme genre, tu peux jouer une heure, puis après ça... Ah ouais, tu peux jouer vraiment longtemps. Okay, okay, c'est ouais. Juste que si tu meurs souvent, évidemment, tu vas avoir... tu vas perdre du... c'est le AP qu'on appelle là-dedans. Puis quand ton AP est terminé, ce qui n'est pas ton HP, là, tu peux pas jouer. Une okay. façon de réénergiser le AP, c'est d'aller faire une ancienne mission, puis d'aller battre des bonhommes pour regagner du AP. Puis là, à ce moment-là, tu peux rejouer aux missions plus récentes. Mais tu pourrais acheter fait des c'est AP, du farming, là. Oui, ou okay. tu pourrais attendre. Tu sais, tu peux attendre okay. après ça. Ça dit, tiens, mettons, dans 10 minutes, ton AP va tout être revenu. Mais si tu réussis une mission, ton AP est régénéré. Fait que ça, il s'organise vraiment pour que tu aies le goût de jouer tout le temps puis de mettre du temps dedans. Puis ça fait aussi qu'à un moment donné, toi, tu as le goût d'investir. Tu sais, comme là, moi, ça fait beaucoup d'heures que je mets dans le jeu, sérieusement. Puis j'ai le goût d'acheter des médailles, d'acheter du stock, tu sais. Puis pourtant, les médailles, c'est pas fait de façon vraiment mercantile, les affaires. Il y a des daily deals. Ouais. Ce qui fait que les deals qu'ils donnent, genre les médailles, ils échangent à tous les jours. Fait que genre, ah, aujourd'hui tu peux, t'sais, tu peux avoir Sephiroth pour 3,99$, t'sais, puis Sephiroth va t'aider à battre telle affaire. Ils ont toutes des stats pour chaque médaille. Ce qui fait qu'ils... Les médailles, c'est des personnages? Les médailles, c'est des personnages, puis c'est aussi, comme j'expliquais tantôt, quand tu frappes quelqu'un, c'est une médaille, ça te donne un coup. Okay. Une autre chose que j'ai oublié d'expliquer, c'est que il y a un triangle de probabilité là-dedans, c'est que t'as attaque de feu, attaque d'herbe, puis attaque d'eau. Puis ces attaques-là, ben évidemment, quelqu'un qui... ouais. L'herbe, on la voit pas souvent, ça. L'herbe... Ouais. Le fameux roche, papier, ciseau. Là, exact. Ben, je sais pas, attaque d'herbe ou attaque de feuille ou d'arbre, je sais pas trop. Ouais. Mais il y a un vert, un rouge, un bleu. Le bleu est plus fort que le rouge est plus fort que le vert, ainsi de suite. Fait que là, tes personnages, tu vas les choisir en conséquence de ça. Comme, mettons, présentement, okay, j'ai un Goofy qui est évolué au coton. Puis lui, il est vraiment bon pour smasher pas mal tout ce qui est rouge. Fait que... c'est une belle description. C'est une belle description. Hein. Malade. Puis c'est ça, puis t'as des mini-boss là-dedans, puis t'as une histoire aussi, l'histoire est vraiment intéressante, puis t'as aussi un mode en ligne où t'as un parti. Les gens travaillent ensemble à battre des ennemis. Fait que toi, tu prends tout le temps tes médailles, mais tu peux prendre une autre médaille qui est la médaille d'un de tes amis, comme entre autres présentement dans mon party, j'ai André Paquette du Geek Collectif. Ben ouais. Puis lui, il va combattre de son bar, puis là, il va m'aider de mon bar sans nécessairement savoir parce que lui, il fait des combats, puis ça m'aide à avoir plus de points, puis tout ça. Fait que les gens s'entraident sans nécessairement le savoir. Il y a un hub de chat, puis tout. Il est dans le sud en plus. Je sais même pas. Calme. C'est pas, puis il m'aide. La technologie, man. Mais c'est écœurant ce jeu-là, puis ils arrêtent pas de mettre des mises à jour. Ils disent qu'ils vont faire des grosses mises à jour pour ajouter plus de monde aussi. J'ai pas dépensé une scène, mais je compte payer. J'aimerais ça payer pour avoir ce jeu-là. complet parce que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est d'ailleurs c'est le seul jeu jusqu'à date qui m'a fait dire en crime, c'est peut-être cool le free to play finalement. Parce que toi, t'en parles souvent justement du fait qu'à un moment donné, le free to play, c'est ça qui est le fun. Tu l'essayes longtemps puis tu te dis, ben, je l'ai tellement aimé que là, je veux payer pour avoir vraiment du bon contenu. T'sais. Exact. Moi, je considérais que League of Legends était dans cette catégorie-là. Où, c'est ça. J'ai eu tellement d'heures vraiment intéressantes, gratuites, que je me suis dit, je veux les encourager. Exact. Après ça, c'est un choix. T'sais. Mais c'est pas limitatif. C'est pour ça que je t'ai demandé. Il y a beaucoup de jeux, t'sais, iPhone, free-to-play, où tu es limité dans le temps. Il faut vraiment que tu payes pour continuer, juste pour progresser normalement. T'sais. Ça, je trouve que c'est difficile à accepter, mais ce que tu décris, c'est ça a l'air d'être pas mal le mais là, bon c'est, modèle. C'est, surtout que c'est Square de A à Z. Il n'y a personne qui est allé se mettre là-dedans, puis c'est l'équipe originale. Fait ça, eux autres, ils ont une réputation à garder, parce que là, le troisième, il est attendu avec une brique et un fanal. Ouais. C'est tout ce que le monde a pour patienter. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'ils veulent pas manquer leur shot. Là. Fait que c'est ça, pour toutes ces raisons, je lui donne un 4.5. Ooh, c'est la soirée des 4.5? Oui, monsieur. Ah. C'est vraiment bon, puis ça coûte absolument rien. Fait qu'au pire, allez télécharger là, puis déliter là après. Mais je pense que vous allez aimer ça. Vous allez devenir assez accro, que vous aimiez ou non les RPG. Good. Excellent. Yep. Fait que moi, j'enchaîne encore. J'ai pas un jeu de mots élaboré comme t'as fait, Bruno, mais c'est un autre jeu de Square Enix, dans le fond, qui était... Hey, à voir ça, on les aurait appelés pour qu'ils nous payent la bière à soir. Ça a été publié par Square Enix et Nintendo en partenariat, puis ça a été développé par Square Enix et Silicon Studio. Le jeu que je vais vous parler, c'est Bravely Second and Lair. Ça, dans le fond, c'est le deuxième jeu de la série... Bravely Default. Bravely Default est sorti un petit peu plus qu'un an. Vraiment un jeu qui avait eu un gros impact. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment trippé sur ce jeu. Ouais. Moi, malheureusement, le timing était mauvais et j'ai jamais joué au premier. T'sais. Fait que là, je voulais jouer à celui-là. J'étais pas sûr si je serais pénalisé. T'sais. Je rassure tout de suite les gens. Si vous avez joué au premier, vous allez avoir un degré là, vraiment de satisfaction parce qu'il y a des personnages récurrents. Mais si vous n'avez pas joué, c'est quand même un jeu qui est abordable. Ils ont pensé à ça, puis tu sais, moi j'étais un nouveau joueur, je connaissais pas la franchise de façon détaillée, puis je me suis retrouvé, puis c'est vraiment bon. Je pense pas que je suis laissé de côté. Fait que vraiment intéressant, c'est disponible sur Nintendo 3DS, puis c'est vraiment un Japanese RPG. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est un old school Japanese RPG, okay. Avec des éléments de modernité qu'ils ont rajoutés. Fait que dans le fond, si vous êtes un amateur d'Arcade Montréal, vous claquez un Final Fantasy VI avec vos Phoenix Down, vos potions et vos éthers, vous allez être totalement à l'aise avec cet environnement-là parce que ce jeu-là, à l'époque, devait être une suite de Final Fantasy. Okay. C'était le Final Fantasy, dans le fond, Four Heroes of Light qui est sorti sur le Nintendo DS. Puis après ça, ils voulaient faire ça sur 3DS puis ils ont juste dit, ben, on va faire une nouvelle franchise avec ça. Oui. Il y a des éléments communs, mais... Je savais pas ça. Donc, c'est ça. Mais c'est tout le même univers, tu sais... Turn-based, potions. Bloc, le nom des choses, c'est resté la même chose. On va aller dormir pour récupérer. C'est très, très, très old school dans la base. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est exactement comme un old school RPG pour 2016. Okay. Fait que tu sais, ils ont rajouté des éléments très intéressants. Je vais parler du système de combat un peu plus tard. Peut-être que je vais parler un peu de l'histoire. T'sais. Une histoire un peu classique là où... c'est un univers fantastique, vraiment. Il y a des épées, des guns, des haches. C'est vraiment très Final Fantasy. Puis l'action se passe 2 ans après le premier, dans le fond. Nous, on incarne Yu Genealogia, qui est le leader de la garde de la papesse Agnès. Agnès, c'est un personnage qui était dans le premier, OK? Une papesse. Une papesse, oui. C'est comme une femelle, une femme. La première fois, j'entends ça. Ouais. Ah ouais, t'as jamais entendu ça? Non, femme, non, c'est vrai. Pape, c'est ça. Mais toi, je sais que t'es un homme de culture, fait que ça... Oui. Ça change comme rien. Continuez, je vais vous le dire. Alors, voilà. Elle se fait capturer, dans le fond, par... Non, mais j'en ai un autre, là, dans ce genre-là. Mais, super. Fait que, elle se fait capturer par le méchant, qui est le Kaiser. Fait que lui, c'est comme le... Comme le pain. Le ouais, bagage, comme le pain. J'en ai mangé un. Kaiser José, tu sais. Choisissez votre saveur de Kaiser. Puis, ben, il est pas fin, lui. Fait que, il a capturé Agnès. Puis là, il y a un gros combat. Puis là, il y a quelque chose qui explose. On reçoit un fragment d'un cristal. Okay. Et à partir de cette affaire-là, You peut parler à Agnès, tu sais. Elle dit, elle a été capturée dans une forteresse quelque part. Fait que là, Yu, lui, il est comme le leader de la garde rapprochée d'Agnès. Fait que là, je veux absolument pas vous spoiler des affaires. Mais tu vas le faire. Je vais pas le faire. Okay. Mais il y a des twists d'histoire vraiment intéressantes. T'sais. Puis au début, moi, sérieusement, ça me tentait pas vraiment de jouer ce jeu-là. T'sais. Mario m'a approché et dit « Ouais, ça tente-tu de jouer à ça? » Ouais, j'étais moins. J'étais là, je suis pas sûr. T'sais. Je viens juste de finir. T'sais, j'avais fini... Mais tu venais de finir un RPG la dernière fois. J'ai un blanc live, là, c'est super. Mais, C'était pas le RPG de Mario. Non, c'est la tactique que j'aime tant, en fait. Chronicles. Xenoblade de quoi? Non, pas Xenoblade. Non, c'était pas Xenoblade. C'était un autre titre de 3DS. Mais c'était quoi, tu disais? Pour revenir à un titre important de masculin vers le féminin d'un tsar. Ah, tabarnouche, ben oui. Une tsarine. Une tsarine. Ouais, c'est vraiment ça. Merci d'avoir fait cette pause-là. Fait que c'est voilà. Fire Emblem. Ah oui, c'est ça. À 100%. Et voilà. Donc, voyez, je suis trop... Mais j'étais là, ça me tente moins de jouer à ça, peut-être. OK, j'essaie. Là, je commence à jouer, je me dis, ouais, c'est vraiment la même affaire, du turn-based. C'est plate. Là, je commence à jouer, je suis comme... Ah. Et là, la beauté de ce jeu-là, c'est qu'il donne un feature à la fois, comme ça, t'es capable de les absorber. Fait que quand ils rentrent des nouveautés au niveau du combat, t'sais, c'est assez facile de les intégrer, t'sais, okay. De comprendre ce qui se passe. Fait que là, petit par petit, ils commencent à rajouter des morceaux à un gameplay qui est vraiment très classique, t'sais. Par exemple, Bravely Default, c'est quoi cette affaire-là? Ben, t'as le choix de faire deux commandes dans un combat normal, à part attaquer et faire un spell. Là. Tu vas avoir Brave. Ouais. OK. Et Default. Default, ce que ça fait, c'est que tu sautes un tour puis tu accumules une attaque en réserve. OK? OK. Puis Brave, ben là, tu vas consommer ces attaques en réserve-là. Tu peux même aller dans le négatif. Ce qui est le fun, c'est que genre, c'est un turn-based, mais tu peux décider, l'ennemi est tough, il fait vraiment beaucoup de dommages, fait que ce que je vais faire, je vais lui donner 4 coups ce shot-là. OK. Fait que tu vas faire, mettons, Brave, puis là, tu vas le frapper 4 fois de suite, tu sais. Fait que c'est toi qui gères un petit peu cette affaire-là au niveau du temps, tu sais. OK. Il y a aussi la mécanique, tu sais, qu'ils ont rajouté dans ce jeu-là. Et boy, ça va tellement vite. Tu prends trop de notes, toi. Qui ont rajouté dans cette affaire-là, qui est comme... ça s'appelle Bravely Default. Ouais. Tu peux comme arrêter le temps, puis faire des coups, puis ça consomme des certains points. Tu vas faire des critiques. Vraiment, vraiment fantastique. En tout cas, là, à partir du moment où tu commences à jouer, si tu tues les ennemis au complet la première vague parce que c'est trop fort, mm-hmm. t'as le choix d'avoir une deuxième vague d'ennemis qui s'en vient pour augmenter... non seulement ton XP, mais ça devient un multiplicateur au niveau de ce qu'ils vont dropper. Fait que c'est vraiment le fun. Ça devient mais t'as le choix ou elle arrive par défaut? Non, t'as le choix. Tu peux dire j'abandonne ou tu continues. Ouais, c'est vraiment le fun. Okay. Puis là, je vais parler des classes rapidement. Le système de classe est vraiment très bien fait. Premièrement, pour accéder à une classe dans ce jeu-là, il faut battre un ennemi. Mm-hmm. Puis à partir de ce moment-là, on va prendre sa classe. Mm-hmm. Là, on peut l'équiper. Donc, tu as la classe principale, puis tu as une compétence qui vient d'une deuxième classe. Okay. Fait que ce qui est le fun, tu peux te faire vraiment ce que tu veux. Tu peux avoir un fighter qui va avoir des pouvoirs de mage, tu sais. Ouais. Y a vraiment des affaires le fun qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est vraiment, vraiment un très beau système de combat, vraiment bien fait. Très, très. C'est peaufiné, là, puis j'ai du plaisir à jouer à ça. Mm-hmm. Les combats sont le fun. Turn-based, des fois, t'es là. Ah. Puis même, ils ont pensé à tout. Ce jeu-là, je joue à une main. Vous êtes dans le métro, vous tenez le poteau, c'est pas cool, grave. Ça. Tout peut se faire avec le D-pad. C'est vraiment, vraiment intéressant. Autre chose aussi, ben, les personnages que vous avez aimés dans le temps, au niveau de l'histoire, il y en a une couple qui reviennent. Je vais dire Tiz et Dea. Il y a un nouvel personnage qui est vraiment fantastique. Une femme qui vient de la Lune, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Magnolia. Et la Lune, j'en parle un petit peu parce que, dans le fond, c'est quoi cette affaire-là? C'est un gros hub. Et il y a des labs sur la Lune. Ça a été détruit par des démons. Puis, les gens qu'on rencontre avec le Street Pass, mm-hmm. d'accord, on peut les utiliser pour farmer puis faire développer des nouvelles armes, des nouvelles habiletés sur la Lune. Ah. Ça, c'est incroyable. Parce que, tu sais, le Street Pass, moi, j'aime beaucoup ça, en fait, avec le 3DS. J'utilise beaucoup le transport en commun avec ça. Je rencontre du monde, ça me donne des points. Puis là, écoute, je peux aller chercher des nouvelles armes grâce à ça. Puis tous les jours, ça me donne des petits items, genre une potion, une éther. Vraiment, vraiment bien fait. Peut-être, ce qui reste à dire par rapport à ça, les narrations, tu sais, au début, j'ai trouvé un peu cheesy, mais on se prend à l'histoire. Elle est bonne. Okay. Puis, ce qui est le fun, les VO sont quand même intéressants. T'sais, en anglais, ils sont un peu cheesy. Oui. À part Magnolia, qui parle en français une fois de temps en temps, qui a un bel accent. C'est cool. Ça recommande. L'accent de l'espace. Mais pour les jeunes. Mais pour les gens là, qui sont vraiment hardcore fans Japanese RPG, là, tu peux mettre les dialogues en japonais. C'est quand même une belle touche. Fait que c'est vraiment, vraiment un beau jeu. Il y a des petites quêtes. Ils ont vraiment intégré les éléments de. Tu sais, comme si tu joues à World of Warcraft, tu va chercher, mouches, va maganer, 8 chats, tu sais. C'est exactement ça qu'on peut faire un petit peu partout. Fait que ça fait, t'as comme des petits défis dans tes combats. ça donne une petite touche moderne encore. Vraiment, OK. Quoi. J'ai pas terminé ce jeu-là, loin de là. Là. J'ai peut-être mis 12 heures là-dedans. Puis c'est à peu près 80 heures à finir. Mais je suis vraiment accro. J'arrête pas de jouer. Et comme je dis, je vais donner ma note bientôt. Mais au début, j'ai commencé à jouer. J'étais comme... Ouais. 3. Ah, 3.5. Ah, 4. Ah. Pour finalement aboutir, JF, à la note de 2. 4.5. Oh! Sur 5. Excellent jeu. Si vous êtes un fan de Japanese RPG, pitchez-vous là-dedans. Peut-être que vous pourriez regarder, considérer le premier. Il y a un petit peu plus de mécanique dans le deuxième. Vous n'allez pas être pénalisé si vous commencez à cela. Mais vraiment un beau jeu. Puis vraiment, là, c'est un pont parfait, je trouve, entre un old school RPG turn-based. Ouais, puis des jeux un peu plus modernes. Donc, allez-y sans aucune hésitation. Superbe jeu. Nice. Très intéressant. J'ai ajusté le duplex pour qu'on puisse se regarder comme du monde en écran. Parce qu'on était inversé, fait qu'on regardait chacun de notre côté. Ah! Ouais, bon. Vous avez pas vu ça, personne. C'est vrai. Hein? Technicien et magie. Voir ce qu'on voit, c'est fou, Batarnak. Hé, hey, ça n'a pas de sens. Ouais. La magie. Technicien magicien. Là, c'était à Bruno, encore. Ouais, il y en a plein. Tiens, moi, je pensais que c'était à toi. Ouais, OK, d'abord. Un jeu de plus, je pense. Fait que... Ah oui, c'est pour ça. Mais moi, je... Ah, j'ai un petit jeu, là, à la fin. Là. Ouais. Hey, ça, c'est ma grosse main juste, qui ramasse des chips. Moi, sortez le gaz. Je vais aller... Je vais parler de Trackmania Turbo. Trackmania, c'est une... C'est une licence qui a été inventée, développée et qui existe depuis très longtemps, depuis 2003, il me semble. Ah ouais? Par Nadeo, oui. Eux autres, ils ont commencé ça sur PC, ça fait très longtemps. Nadeo, c'est un développeur français. Okay. Puis eux autres, ils font que ça. Ils font trois séries, il me semble que c'est ça. Ils font Trackmania, puis ils en font deux autres qui m'échappent présentement. Mais Trackmania est vraiment leur plus grand succès. Puis avec Turbo, en fait, voici ce que c'est. Je vais vous dire c'est quoi Trackmania avant, parce que du monde ne savait même pas c'est quoi. Parce que c'est un peu son arrivée sur les consoles avec celui-là. Trackmania, c'est des petits parcours pour des autos de style Formule 1 un peu plus. Puis c'est des parcours qui n'ont aucun sens. Fait que tu peux avancer, puis après ça, t'en aller droit sur un mur à la verticale, jumper à l'envers, puis finalement, t'en retrouver sur une piste. Puis le but, c'est de faire le meilleur temps possible. Fait que t'as tout le temps... c'est ça, tu te fais tout le temps dropper d'un hélicoptère comme ça au début. Wow. Puis tu fais ton ton parcours. C'est vraiment des petits c'est des parcours. Vrais chars, là, par exemple. C'est des vrais chars. J'avais Micro Machine quand tu t'en parlais au début, mais là, c'est comme c'est réel. Non, là. Non, c'est ça, c'est bien réel. Puis c'est le fun parce que les pistes n'ont absolument aucun sens. Ce serait impossible dans la vraie vie sans mourir. Puis c'est ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le meilleur temps. Tout est une question de temps là-dedans. Fait que tu le fais, tu recommences, tu le fais, tu recommences, tu le fais, tu recommences. C'est un peu comme Trials, en fait. Okay. Ouais, c'est ça. On pourrait vraiment faire le parallèle. Sauf que celui-là, c'est avec des chars, puis c'est vraiment pas basé sur les tricks que tu pourrais faire dans les airs. Il y a une portion de Trackmania où tu peux avoir des épreuves où il faut que tu fasses des trucs dans les airs, comme virer ton char, tout ça. Mais c'est pas vraiment intéressant. Vraiment, là, le nerf de Trackmania, c'est la vitesse, c'est le fait de finir le plus tôt possible. Puis, au départ, on t'offre, justement, on te dit, bon, ben là, est-ce que tu vas avoir l'or, l'argent ou le bronze? Puis, dépendant de ce que tu choisis, t'as un ghost, t'as un char fantôme en avant de toi qui te guide, tu vois justement par où il passe, qu'est-ce qu'il fait pour voir comment arriver à avoir ce score-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est un jeu de performance, mais c'est un jeu qui est quand même très, très, très, très, très accessible. N'importe qui peut jouer à ça. Même quelqu'un qui a jamais joué avec ça, puis foncer vraiment, partout, là. Sauf que c'est ça, il n'y a pas de collision avec les autres chars. OK. Ce qui fait t'es que... T'es tout seul sur la route. C'est ça, t'es tout seul sur la route. Puis il y a d'autres chars... Mais les autres chars, tu peux pas vraiment les smasher, tu sais. Quand tu passes à côté, tu passes au travers. Ah, puis on tu le peux voit, jouer ton gold medal, OK, c'est ton ouais, c'est ça. Ouais, gold c'est medal, gold, okay. Ça c'est un peu comme ton guide en même temps. Ouais. Puis quand tu joues en ligne, c'est vraiment le ce qui a fait la réputation de Trackmania. En ligne, c'est vraiment excellent parce que tu peux jouer les pistes que les autres ont faites, parce que tu peux faire des pistes aussi. Avec le Track Builder qui est vraiment fantastique. Ça va super bien. C'est vraiment facile de faire des pistes là-dedans. Puis, tu vas pouvoir essayer les pistes des autres puis justement noter les pistes si sont bonnes ou non. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rouler puis tu vas faire un temps puis tu vas tout le temps refaire la piste sans arrêt pour garder ta position. Fait que, mettons, moi, j'ai fait la piste en 2 minutes, mais là, il y a un gars qui vient de me clencher, il l'a fait en 1 minute 50. Fait que là, faut que je le clenche. Faut comme que live, je monte, tu sais. Hein? C'est live? Ouais, c'est live. Comme un multijoueur, mais... Exact. Okay. Puis ça aussi, le multijoueur, il y a un multijoueur local, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai joué avec ça pas mal avec Eric Hébert, justement, du Geek Collectif. Puis c'est vraiment le fun, c'est une affaire de passer la manette. Fait que tu peux jouer au nombre de joueurs que tu veux. Puis là, toi, tu fais ton temps, tu passes la manette à l'autre, il fait son temps. Ah, c'est cool ça. Puis les gens sont éliminés au fur et à mesure comme ça parce que tu finis que, bon, ben. Regarde, Bruno, il est meilleur que toi, là. Puis là, toi, t'as plus de gaz. Dans le fond, ton gaz s'élimine de plus en plus. Fait que tout est basé autour de la même idée là-dedans. C'est vraiment de faire le temps le plus rapide, mais les chars roulent bien. C'est vraiment un jeu de type arcade, là. Il y a pas de simulation, ouais, là-dedans. Là, tu vires, puis je veux dire, t'as de la drift en masse. Puis la drift est excellente, là. Ça va vraiment bien. C'est vraiment un jeu qui est fait pour tout le monde. N'importe qui a jamais joué à un jeu vidéo même pourrait jouer à ce jeu-là et avoir du fun. D'ailleurs, il y a juste 2 boutons. Il y a accéléré puis freiné. That's it. Parle-moi de ça. C'est juste ça qu'il y a. Y a plusieurs sortes de chars? Oui, il y a plusieurs sortes de chars. Puis il y a 4. Il y a 200 pistes qui sont répandues à travers de 4 mondes. T'as un monde qui est un peu... c'est un monde tropical. Ça, c'est un monde qui est nouveau à Trackmania. C'est jamais arrivé. Mais t'as aussi un stade qui est dans les premiers Trackmania. T'as un Grand Canyon comme ça qui a aussi un rapport avec un autre Trackmania qu'il y a eu. Puis t'as des chutes aussi. Mais en tout cas, les environnements sont vraiment super bien détaillés. Le jeu est absolument magnifique. Un super bon framerate en plus. J'ai pas eu de problème de framerate non plus hors ligne et en ligne. Fait que c'est vraiment un excellent jeu. C'est un jeu qui est plein prix. T'sais, c'est pas un download. Moi, quand je l'ai vu en premier lieu, je pensais que ce serait comme les Trials. Ouais, ouais, que ça ouais. serait un download. Mais il est beaucoup plus deep. Il y a vraiment énormément de contenu. T'sais. Même si on considère que c'est une idée et qu'on la reprend sans arrêt, c'est tellement addictif et il n'y a tellement pas de loading. Que tu veux tout le temps jouer, là, tu veux tout le temps recommencer ta game, tu es rendu au milieu, ah fuck, j'ai fait une erreur, ouais. Clac, tu recommences tout de suite, ouais, tu le refais. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça, pour toutes ces raisons, je lui donne GF. Un petit 4.5? Un 4 sur 5. Oh! Ouais. T'as brisé la séquence. Je donne un 4 sur 5, puis justement, je vais le dire après parce que là, j'ai eu trop de fun, mais il y a quand même des affaires qui marchent moins. Ouais, c'est déplace pas les cannes. C'est Dom qui déplace les cannes. Mais une affaire qui est pas terrible dans Trackmania, c'est qu'une des nouvelles grandes additions, c'est de chauffer un char à deux. Ça, là, oh, ouais. C'est le fun 15 secondes à peu près. Là. C'est même pas drôle. Tu essayes, il y en a un qui... Là, les deux pèsent sur le gaz. Là, tu le vois à l'écran, les deux pèsent sur le gaz. On l'a. Tourne à gauche. Là, tu tournes à gauche. L'autre tourne à droite. Ah, dans le mur. Pour commencer. Ah, yeah. Il n'y a aucun fun là-dedans. Tu sais, parce que c'est de la compétition vraiment intense. Tu sais, c'est pas un jeu party dans ce genre-là. Tu sais. Fait que ça, c'est moins le fun. Tu sais, puis il n'y a pas de. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un multi. C'est tellement une mauvaise idée. De prendre un concept de jeu hardcore de temps. Ouais. On fait un jeu de party avec ça. Ouais, c'est ça. Avec des contrôles cocasses. On va créer des moments de vie. Ouais, c'est le genre de mode pour briser des couples. Mais c'est ça. Ouais, clairement. Là, combien d'hommes vont coucher sur le divan après avoir exact. Joué ça, c'est bien. Comme contrôler un char d'un Gran Turismo avec 2 manettes. Ben non, ça serait épouvantable. Ça. Fait que c'est pas une bonne idée. Puis aussi, ben, tu sais, les modes en local, j'aurais aimé ça qu'il y ait un split avec 2 chars qui roulent un contre l'autre. Tu parles d'un beau framerate, là? Oui. Ça aurait tué ton framerate. Ben, d'après moi, il y a des raisons pour ça. Mais malgré tout, il faut qu'on parle en tant que consommateur puis pas en tant que technicien du jeu vidéo. Fait que c'est ça. Pour ça un petit rappel. Un petit rappel ici. Là. En passant, j'ai tout le temps une petite pitié. Tu sais, pour dire que... Ouais, je le sais. Ouais. Moi aussi, j'ai pitié. Mais par rapport à certaines affaires, quand tu regardes le contenu du final, tu fais comme oui, mais ça semble être une évidence qu'il faudrait qu'il y ait deux joueurs qui puissent jouer en même temps. Puis après ça, ben, t'apprends tous les dessous de l'industrie. Ça a l'air facile, mais au pire, garde. Mais c'est pas facile. Non, mais avec l'argent que tu fais avec la manette, ajoute un deuxième PlayStation. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est live, puis une deuxième TV, tu sais, puis mêler un à côté de l'autre. Ah, je devrais y arriver. Il y a aucun problème qu'on peut pas résoudre demain. Voilà. Tout se résout avec l'argent. C'est ça. Ouais. Faudrait que je communique avec Ubisoft France. Ouais. Hey! Un petit doute de Montréal, là. V'là 50$, mets un co-op. Ça sera mon tour. Ben oui, ça sera à ton tour. Je vais enchaîner avec un jeu de PlayStation 1. C'est rare que j'en couvre du PlayStation 1, voyez-vous. C'est parce que j'ai fait l'achat dernièrement d'un jeu qui est pas mal le dernier que je voulais sur cette console-là pour ma collection. Ça s'appelle In the Hunt. Ça, c'est un shmup de sous-marin. Et puis, j'avais joué à ça à mon vieux village de naissance, à Saint-Joseph-de-Beauce, à l'Arcade. Un cabinet qui arrêtait pas de changer de jeu. À un moment donné, c'était Arcanoïde. À un moment donné, ils ont tout strippé ça. Ils ont fait d'autres choses. Puis à un moment donné, ce jeu-là a passé dedans. Et puis, quand Arcade Montréal était sur Frontenac, dans la Street Fighter, on avait mis un board là, de Pandora Box. Oui. À un moment donné, je scroll. Là, ah! Oui! Je me souviens de ce jeu-là. Okay. Là, je joue, je suis comme, hey, c'est le petit jeu du sous-marin quand j'étais petit. Tu sais, là, j'étais comme, là, je capotais. Fait que je me suis renseigné sur Internet. Et puis, j'ai vu que ce jeu-là était disponible sur PS1 et aussi sur Saturn au Japon. OK. Mais en fait, il est sorti sur arcade en premier. Okay. Ensuite, Saturn japonais. Ensuite, il a été PS1. Et puis, il a été disponible sur Windows 95, mesdames et messieurs. Yeah, oh boy! Et puis, une version Super NES était... Une version Super NES était en développement, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Ils ont fermé à ça. Donc ça, c'est un jeu qui est fait par Coco Pelli Digital Studios. Ça, c'est une clique à l'interne chez THQ. Et puis, Et puis ces gens-là, à un moment donné, se sont détachés, sont allés travailler pour IRM, tout ça. Faut pas que je mélange. Ça avait l'air d'être développé par IRM. Par IRM aussi. Mais tout ça pour dire que c'est la même gang qui ont créé la série Metal Slug par la suite. Quand tu joues à In the Hunt, t'es comme « Oh shit, c'est pareil comme Metal Slug. Okay. » Il y a des animations sur tout. Tu tires une balle, la balle fonce dans le mur, fait une explosion. C'est le même look. C'est la même affaire. D'ailleurs, ce petit sous-marin-là, je pense qu'il y a eu un caméo, un hommage à ce sous-marin-là dans Metal Slug 3 là, ou quelque chose de même. T'embarques dans un sous-marin puis c'est lui, là, tu sais. Fait que c'est ça. Vous voyez à l'écran, là, ça tire partout, ça pète partout, toutes les explosions. Là. Ouais. C'est très, très, très Metal Slug-ish. Les mecs, le graphisme, tu sais. Donc ça, c'est assez épatant. C'est pour ça que ce jeu-là, je m'en souvenais, tu sais, de par le visuel de quand j'étais petit. Parce que, tu sais... Est-ce qu'on m'entend pas? Mais... Oh, OK. Mais sans blague, là, tu sais... Il y a même des vaches qui sauvent. Je m'attendais à un jeu 3D. Ouais, moi aussi, la pochette, le vent mal. Pas ça pendant la pochette est dégueulasse. Non, ça, c'est purement 2D. Là. En plus, la pochette, c'est une pochette de première génération de PS1. Avec la grip pour les doigts. Ouais, c'est ça. Elle était grosse, noire. En plastique noir avec la petite mousse comme ceux-là de Sega par la suite. Et puis, c'est ça. Fait que c'est suranimé, là, vraiment. Puis c'est non-stop, là. Puis j'ai joué à deux en co-op avec deux personnes. D'ailleurs, je suis bien content. Ça a donné que j'ai vu des gens. J'ai joué avec Michael ici à l'arcade. J'ai joué avec un de mes chums, Maître Clich, l'avocat. Oui. Il s'est tanné assez rapidement, mais bon. Mais j'ai joué tout seul aussi. Et puis, j'ai fini ce jeu-là parce qu'il y a un cheat pour avoir... Il y a 5 continues, mais il y a un cheat que tu fais puis ça te redonne les continues tant que tu veux. Donc, ça m'a pris un cheat pour finir le jeu, qui n'est pas si long que ça. Et puis, c'est ça. Ça tire... Dans le fond, tu as un tir à l'horizontale puis tu as un tir à la verticale. Et puis, quand tu vas à la surface, ton tir à la verticale... il tire à la verticale puis aussi... en dessous en même temps. Okay. Donc, quand t'as de la marde en haut, ça tire par en haut, puis t'as de la marde en bas, ça tire par en bas aussi. Mais ça tire pas vite par en bas. Tu sais, c'est des gens, ils laissent tomber des gens de de tank, là, que quand ça touche de quoi, ça explose, là, comme des bonbonnes. C'est comme des mines sous-marines. Des mines sous-marines qui droppent tranquillement. Puis quand tu reviens à la surface, ben là, ça tire dans les airs. T'as des hélicoptères, puis toutes sortes de trucs. Donc, c'est ça. Puis les tirs à l'horizontaux, ils sont assez rapides. T'as des power-up pour tout ça, bien sûr. Donc, ça devient assez violent, là, tu sais. Il y a du stock, là, partout. Mais c'est ça qui est bien fait. Là, présentement, on voit le niveau 2. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais t'es pris dans une petite surface, dans une petite zone. Mais il y a d'autres niveaux que c'est juste dans l'écran, l'eau. Hein? Exact, comme juste de l'eau. Shop, normal. C'est ça. Puis c'est tout à l'horizontale, de gauche à droite, sauf il y a un niveau qui va par en haut. Puis tout le long du niveau, il y a une espèce de gros boss, une statue qui monte. Là, il faut que tu ailles par en haut le plus vite possible. Une fois que tu es en haut, là, c'est là que tu l'attaques pour qu'il meure. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, c'était une belle... c'est le fun, là, comme on termine le niveau. Comme oh ça. Oui. Je trouve que c'est un jeu qui est un petit peu impersonnel au sens qu'il n'y a comme pas d'humain là-dedans, tu sais. T'es un sous-marin, tu tues des machines, je sais pas. Tu sais, quand tu joues un shmup là, de l'espace, je sais pas quoi, t'as une petite affaire, tu vois un peu le pilote, tu sais, au début, une image, tu vas sauver la Terre, il y a un général qui t'envoie en mission. Là, c'est juste comme fuck all, le style, let's go, bang! tu sais. C'est pas un défaut, tu sais, mais j'ai pas... aucune cutscene, genre. Mais tantôt, ben, j'ai vu des vaches, par exemple. Ouais, j'ai vu des vaches courir aussi. Mais ils t'expliquent un petit. Ils font juste te dire fais ci, fais ça, puis ils passent à l'attaque, no mercy. Mais il n'y a pas. Je joue pas à ça pour l'histoire, là. Ça paraît que c'est très, très arcade. la version, ça... moi, au PS1, j'ai pas eu de difficulté, même à jouer à deux au niveau des ralentissements. Ça a tout le temps bien fonctionné. J'ai jamais été comme voyons, si ça avance pas. Fait que je pense que c'est la version Saturn japonaise qui doit vraiment beaucoup ralentir au point de la rendre presque injouable, d'après ce que Carl Terminaslot m'a dit. Donc, à surveiller en tout cas si vous pensez vous procurer ce jeu-là. Moi, j'ai joué à normal. J'ai pas trouvé ça trop difficile, là, je vous dirais. Tu peux jouer à easy puis very easy. Fait que là, à very easy, je suis pas mal certain que ça se fait sans prendre le continu. Parce que c'est pas si difficile, hein, sérieux. Il y a tellement de stock, mais t'es bien équipé, là. Tu tires partout aux bonnes places. Puis faut vraiment aussi que tu focuses sur ce que tu fais à travers tout le bordel visuel qu'il y a là-dedans. Faut quand même que tu focuses là, ben comme fou là, sur des petites choses là. Donc c'est intéressant là, comme mécanique là. C'est pas un bullet hell, tu sais, c'est comme juste un hell de monde partout là. C'est réalisable. On dirait qu'il n'y a jamais personne qui tire dans un sens. Ça. C'est ça, tu te fais pas tirer dessus tant que ça. C'est juste détruire tout. Il arrive puis il tire pas. Non, il y a pas beaucoup de balles, c'est des obstacles. Il y a bien des obstacles. Puis il y en a un qui est vraiment dur, c'est des espèces de gros missiles qui font là, quasiment à la hauteur de l'écran. Puis il y en a plein, là, comme c'est un barrage de ça. Puis ça monte. Faut juste les éviter. Faut que tu passes entre, là, tu sais. Mais j'ai pas réussi ça à passer ça sans mourir, là. J'ai pas catché comment ça fonctionnait. Fait que c'est ça. C'est un jeu tout de même dispendieux. Moi, ça faisait donc depuis 2 ans, puis je me suis souvenu de ce jeu-là sur Frontenac, que j'avais activé mes alertes sur eBay. Pour voir quand il y en avait, puis il y en avait tout le temps, genre 200$, 180$, nanana. Mais finalement, j'ai réussi à m'en pogner un qui est pratiquement neuf. Là. Il m'a coûté shipper tout le taux de change 120. Okay. C'est un gros achat, mais c'est un très, très, très bel item de collection, moi, je trouve. Puis c'est un excellent jeu aussi. Là. C'est vraiment super le fun. C'est un bon jeu de party parce que c'est pas long, puis c'est sûr que tu vas le finir avec ton chummy. Parce qu'au pire, tu fais un petit cheat de continu, puis c'est réglé. Là. C'est un feel-good game. Là, ouais. C'est satisfaisant. Hey buddy, tu tapes dans le C'est pas compliqué, c'est même. Destruction massive. Puis quand t'es à deux, là, c'est encore plus le bordel. Là. C'est de toute beauté. Là, Donc, pour toutes ces raisons, je vais donner un beau 4 à ce jeu-là. Wow. Un 4 bien tassé. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus long, j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus chaleureux, tu sais, une histoire, un petit de quoi, un petit enrobage là, autour de l'humanisme. Ça. Oui, de l'humanité. Là, ça aurait été intéressant. Mais c'est un jeu magnifique, puis c'est vraiment trippant, c'est en plein mon genre. Je recommande ça à tout le monde. Ça doit être disponible aussi si vous avez des mèmes ou tout ça. Ouais, mais c'est d'arcade, là, tu vois. C'est ça, là. Tout le monde qui émule, là. La gang des muleux. Les émulés, là, qu'on les appelle. Là. Les colons. Émulés natifs. Les émulés natifs. Donc, excellent jeu. Good. Nick, je pense que c'est à toi. Attends, on va sortir ma feuille. Ouais. Ah ouais, c'est à Nick. Exact. Hey, on a encore 2 jeux à faire. Puis ouais, j'ai plus de bière. Ça va vite. Ouais, moi non plus. Regarde, on va faire ça vite. Ah, les gars. On va faire ça vite. Je pense que les deux prochains jeux sont pas ben, vite. Okay, ouais, c'est je peux aller vous faire des refils, si vous voulez. Ben ouais. Même affaire. Peut-être IPA, je le sais. Un peu? Ouais, 50. 50? Oui. Jeff, toi... Je vais me rebaigner, moi. Pas l'autre piscine. OK. Les autres piscines. Je reviens. Donc, moi, je vais vous parler de Star Fox Zero. Un jeu qui a eu pas mal d'attention nécessairement ces temps-ci. Pas nécessairement pour les bonnes raisons. Fait que je vais vous parler de ça. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Un jeu qui a été publié, édité par Nintendo. Et oui. Développé par Platinum Games et Nintendo EDP. EPD, pardon. Qui est un des studios de Nintendo, en fait. Disponible sur Wii U seulement. Grosso modo, vous vous doutez sûrement que... C'est un jeu dont vous incarnez Fox McCloud. C'est pas une réinvention. Dans le fond, en fait, Nintendo est en train de faire avec Star Fox un petit peu ce qu'il a fait avec Zelda. Là. C'est comme un autre reboot. Ouais, c'est encore hein. La même histoire originale. T'sais. C'est vraiment... si vous avez joué au Star Fox original ou Star Fox 64, c'est bien gros, la même affaire. L'histoire est semblable, les missions sont différentes, mais c'est vraiment, vraiment comme un autre reboot. OK. Moi, ça m'a donné une petite déception dans un sens. C'est sûr que je joue pas à Star Fox pour l'histoire. Là, ouais. Là, c'est vraiment pas ça mon but. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça avoir autre chose. T'sais. Peut-être dans Star Fox Adventure, il avait poussé un petit peu plus d'histoire. Ça m'a pas dérangé nécessairement. T'sais, ça va peut-être vous donner un bon feeling familiarité, tu sais, vous allez revoir Falco, vous allez revoir Peppy, il va y avoir Sleepy. Il y a plein de monde qui reviennent dans ce jeu-là, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu la série, Pigma, le cochon ennemi, tu sais, le général Pepper, c'est encore lui qui vous donne un petit peu les directives, tu sais, comment aller, qu'est-ce que vous devez faire. Il y a Rob, qui est comme un robot, là, je pense qu'il avait été introduit sur le 64. Il y a l'escadron Husky aussi, que j'aime bien, tu sais, qui a une belle personnalité. Il y a Wolf. Et notre... antagoniste principal, c'est encore Andross dans le fond, qui était déjà présent dans les titres okay. passés. Donc, niveau d'histoire, pas tant que ça, quelque chose de super spécial, mais la recette est là, est un petit peu changée, ça marche, c'est le fun. Il y a plein de monde que tu connais qui reviennent. Dans le fond, c'est super classique, t'as le système solaire, le Lilac, qui est en danger, tu sais, puis... General Pepper te donne des instructions pour aider à faire tout ça. Oui. Donc, là, ce qui est... Peut-être on va rentrer dans le feu du sujet. Les contrôles de ce jeu-là. Ouais. Parce que ça, là, j'ai, là, moi, j'ai comme gars qui l'a pas acheté encore, là, j'ai vu des YouTube genre « How to play to Star Fox ». Exact. « How to » puis des guides puis... Ouais. Du monde qui disent « Ah, tu peux t'habituer à telle ou telle affaire. » Ben, tout à fait. C'est ça l'affaire, en fait. Il y a des contrôles qui sont très, très naturels, old school, Star Fox 64. Ouais. Donc, en mode régulier, là, on bouge. C'est vraiment pareil. C'est du bon vieux dogfight ou du shooter on rail. Okay. Ça marche super bien. Par contre, le jeu, à quelques occasions, va te forcer à aller vers... la deuxième vue. Dans le fond, lorsqu'on regarde le jeu sur l'écran, donc la télévision, c'est un jeu à la troisième personne. Lorsqu'on regarde sur le gamepad Wii U, mm-hmm. ça devient un jeu, dans le fond, à la first person, comme si tu étais dans le cockpit de l'avion en okay. tant que tel. Cette affaire-là, ça te permet de mieux viser plus précisément. Fait que si on regarde à quelque part en particulier... Oh, j'ai peut-être inversé. C'est peut-être la IPA, ça. Si on le fait que... Fais pas faire une crise à cœur à Bruno. Exact. Toi, on est rendu au chocobo, là, c'est ça? Ouais, ben là, en fait, ça, c'est... ce qu'on voit à l'écran, c'est... Il y a d'autres portions... Ça, c'est le Walker, dans le fond. Ouais, des portions. Ça, c'était dans Star Fox 2. Ça ouais. a été coupé, ce jeu-là, on sait tous. Mais là, ils l'ont ramené, tu sais. C'est vraiment le fun, le platforming de ben, cette affaire-là. Je trouve ça cool, moi, ça. Ça, c'est vraiment le fun. Ça va vite. Jim Quisition, il n'a pas aimé ça. C'est du platform. Ah oh, ouais, mais tu sais... il y a bien du monde. Oui, je sais qu'il y en a qui ont dit ça side-trackait des missions originales. Moi, j'ai trouvé que ça coupait le beat. Il y a ouais. plusieurs petits véhicules comme ça. Je te dirais, tu sais, le fameux Walker qu'on voit, il y a le retour du Landmaster, le tank en tant que tel. Puis il y a un nouveau, en fait, qui s'appelle le Giro Wind. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est comme un... C'est un truc qui vole très lentement, qui fait beaucoup de stationnaire. Puis le but, c'est d'aller porter un robot téléguidé pour faire des trucs dans les missions. OK. C'est un autre gameplay. Fait que dans le fond, il y a vraiment, on pourrait dire, 5 gameplay, là, les 3 véhicules alternatifs, plus oui. des portions où c'est plus shooter and rail. Il y a d'autres portions que c'est du dogfight là, dans l'espace, là, vraiment un petit peu comme X-Wing versus TIE Fighter. Okay. C'est très très old school ce jeu-là, dans toute son approche. Dans la philosophie, dans tout ce jeu-là, c'est quelque chose qui... C'est pas un jeu moderne. T'sais, on regarde ça et on dit... C'est vraiment un héritier direct. De pourtant, moi, c'est ça. En amenant Platinum Games là-dedans, je ouais. pensais qu'il y aurait de la nouveauté, quelque chose nous de... Aussi, justement, parce que Platinum amène tout le temps sa saveur dans tous les jeux qu'ils ont fait jusqu'à ouais. maintenant. Mais tu sais, la saveur, je te dirais, c'est que quand on est en third-person view, mm-hmm. pour moi... les contrôles vont vraiment bien. Okay. Tu sais, les véhicules secondaires vont vraiment super bien. Okay. Ce contrôle, c'est tête, le walker, il est vraiment fun. J'ai entendu parler. Ben, j'ai écouté Jimquisition. Exact. Il dit que genre, les mécaniques ont ajouté là-dedans ouais. pour valoriser le hardware. C'est exact. De la merde. Bon, de ce que tu fais référence, c'est ce que j'ai décrit tantôt. Là, excuse-moi. Je vais revenir spécifiquement à ça. Le jeu te force à utiliser le gamepad. T'es pas obligé. Là. Il y a un gamepad qui fonctionne avec le gyroscope. Là. Tu peux viser avec ouais. ça. Oui. Je te dirais 80% du jeu, t'es pas obligé de l'utiliser. Tu okay. fais juste jouer une expérience old school, Star Fox 64, ça va bien. Mais des fois, c'est comme. Puis le problème, c'est vraiment que la première mission, elle t'oblige vraiment à... Le boss, il se fait avec ça. Ouais. Okay. Puis ça, là, ça déconcentre. Puis moi, j'ai trouvé ça assez frustrant, cette portion-là. Parce que. C'est pas intuitif, tu sais. À un mm-hmm. moment donné, on apprend à le contrôler. Ce jeu-là, c'est ça qui fait. C'est ça qu'il y a bien du monde qui n'ont pas aimé. Les gens aiment ça prendre un jeu puis juste dire, ben, ça va être facile. C'est absolument pas facile, Star Fox. Ouais. Zéro. C'est un apprentissage de comment utiliser le gamepad. J'avais vraiment aimé Splatoon, la façon dont il utilisait le gamepad ouais. pour viser. Ça, c'est moins bien réalisé, selon moi, à ce niveau-là. Mais on t'offre pas une alternative comme Splatoon, non, justement? Non, t'as pas d'alternative. Okay. Malheureusement, tu sais, ce jeu-là, t'aurais pu... J'aurais aimé pouvoir le jouer ouais. tout en third person. Mais tu sais, c'est pas aussi pire qu'on peut voir au niveau de toutes les reviews. Ouais, la ouais. plupart du temps, tu peux t'en sortir. Puis il y a même des situations où je l'aimais l'utiliser le gamepad. Mm-hmm. Mais faut que tu joues d'une façon très particulière. Ouais. Sérieusement. Un, faut que tu saches comment recentrer le gamepad à tout moment. Okay. Tu vas prendre une position ouais. confortable, tu vas mettre le gamepad devant toi. Il va falloir que tu sois. Tu vas développer un deuxième réflexe. Okay. C'est pas facile, c'est un jeu dur, tu sais. Techniquement, il y a peut-être 5 heures de gameplay au complet pour le finir. Okay. Si t'es bon puis tu le fais d'une shot. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Là. Vous allez étirer genre ouais, 10 ouais. heures. Là. Donc c'est vraiment ça. Comme j'ai dit, c'est un jeu très old school. Si vous avez aimé les vieux Star Fox puis que vous voulez cette expérience-là, vous allez pouvoir aller la chercher. La mécanique du gyroscope est fatigante, mais est pas. Des fois, elle est obligatoire pour certains éléments, mais la majorité du temps, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'étais comme furieux contre ce jeu-là. J'étais, c'est quoi cette affaire-là? Puis, comme j'ai dit, le premier boss, il te met dans ce beat-là. T'es ouais. obligé de faire ouais. ça. Puis, j'ai pas aimé ça. Mais tout de suite après, ça devient vraiment plus easy au niveau de la liberté que t'as pour les contrôles. Puis, j'ai trouvé ça quand même bien. Fait qu'il faut s'accrocher à ce jeu-là. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui aurait peut-être pu bénéficier d'une sortie plus rapide sur la Wii U. Parce que là, on est un peu ouais, mais t'sais, en fin de vie, comme on l'a appris raison, récemment. T'sais, t'sais, t'sais. Dans le fond, là, ce jeu-là, il avait l'air d'un démo technique. Je pense que d'ailleurs, il est parti d'un démo ouais. Wii, en fait. C'était vraiment okay. un gameplay Wii. Ils ont repris ça et ils ont fait un jeu Wii U avec, OK? OK. Mais, grosso modo, la raison, je pense, pourquoi le gameplay du premier niveau, il est si tough et t'oblige à prendre un gyroscope. Pendant peut-être un an, ils utilisaient ça pour montrer au monde les possibilités. Ouais, exact. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est comme un niveau démo mm-hmm. qu'ils ont gardé au final et qu'ils voulaient juste te montrer tout ce que ça pouvait faire. Le premier boss, là, il est vraiment dur. Je suis mort peut-être 3-4 fois avant de trouver la bonne solution. J'ai pris une petite pause là, d'une couple de jours en ouais. avant. C'est pour ça quand je suis revenu, c'était beaucoup mieux. J'étais comme plus zen, puis je savais à quoi m'attendre. Fait que moi, j'espère que ma critique, c'est ça qu'elle va vous faire faire. Là, t'sais. C'est pas un grand jeu. C'est ouais. pas quelque chose que vous allez dire « Oh my God! » Est-ce que c'est un incontournable Wii U? Possiblement pas. Par contre, si t'es fan de Star Fox, ouais. il faut absolument que vous jouiez à ça. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Star Fox 64. T'sais, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments sur 3DS. Là-dedans. Oui, sur 3DS, c'est vraiment bon, il était meilleur. Très je bon, t'sais. Ouais. Donc, ça. Oh. J'ai pas mis en ordre. Non, mais je le complète. Alors, donc, c'est ça. La pochette est belle aussi. La pochette, elle est belle. Et avis aux collectionneurs, si vous l'achetez, la version qui est présentement possible d'acheter, vous allez avoir un jeu gratuit qui s'appelle Star Fox Guard. C'est dans un package double. Ça, c'est un truc de temps limité. Je vais faire un review de ce jeu-là, je ne l'ai pas encore essayé, qui a l'air intéressant. C'est un Tower Defense. Mais revenons à ce qu'on décrit. Donc, c'est pas un si grand jeu. Il y a un mode co-op qui peut être un petit peu intéressant, en fait. J'ai pas eu le temps de jouer énormément à cette affaire-là. Les Amiibo, plus ou moins intéressant ce que ça fait là-dessus. Yeah. Si vous avez Star Fox, vous allez avoir le Retro Air Wing du Nintendo, Super Nintendo. Moi, j'ai trouvé que ça me fatiguait parce que ça clashait avec le look and feel. Petit effort, s'il vous plaît. Mais Falco, lui, il débloque un mode expert. Mais peu importe. Ouais. C'est pas un grand jeu, mais c'est quand même un bon jeu que vous allez trouver du plaisir si vous passez le premier niveau. Donc, pour toutes ces raisons, je donne la note de 3.5 sur 5. C'est une note honnête. Je pense que, tu sais... Mais simple. Il y a eu du bashing beaucoup. Ouais. À raison, par rapport à cette affaire-là là, qui nous force à utiliser le gamepad. Mais faut... Si vous arrivez avec le mindset de... Okay, ça va se passer comme ça. Ça va arriver, ça ouais. Ça va arriver. Ouais. Ça va être beaucoup plus zen. Puis comme je dis, le pire de tous les niveaux pour ça, c'est le premier. Ouais. Si vous passez ça après, ça va aller plus loin. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. C'est comme se faire enlever une dent de sagesse, dans le fond. T'as ça... pas le choix. Tu vas te faire piquer, ça va faire mal, mais ça va être parti. Puis... Mais semblable, les autres niveaux, tu sais, les mécaniques des autres véhicules, ouais. C'est quelque chose d'intéressant. Puis, je trouve que ça brise pas le flow, au contraire. Ça met la diversité. Sinon, ça aurait été pas mal monocoque. Et en plus, il y a le branching comme dans les autres jeux, si vous avez joué aux autres. Là. Mais c'est ça. Parlant de branching, j'ai un jeu. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je mange des chips. Mr. Segway. Mr. Segway. Pour vrai, il y a beaucoup de branching dans mon jeu, c'est-à-dire que tu peux décider de l'endroit où tu t'en vas dans le langage de Papa Cassette. Castlevania 3, quand tu décidais, m'en vas-tu dans le bois, m'en vas-tu dans le château? Là, m'en vas-tu dans la forêt ou dans le marécage? Exact. Hey, la caméra m'énerve. On me voit pas assez. Arrête de la kicker. Hein. Ouais, je la kick plus. Ils sont gros fun, kicker des caméras. Fait que j'aurais appris quelque chose, c'est le fun. Oui, ben oui. Moi, ce soir, je vous parle de Stories, The Path of Destinies. C'est un jeu qui est développé et publié par Spirit Games. Spirit Games, c'est un développeur montréalais. Oh oui? Oui, c'est... si je ne m'abuse, je veux vraiment pas me tromper dans son nom. En plus, on l'a rencontré à Monsieur Net. Chic Tip. Un gars de Black Lake à l'origine, je pense. Un gars de Black Lake. Quoi? Black Lake, c'est à côté de Tadford. Okay. Je voulais pas dire Tadford à ce soir. C'est ouais, tout le temps Tadford oui, à un moment donné. Ça, c'est t'es c'est comme Vaillancourt, Colin, à fin de jouer jeu. Dan Vaillancourt. Dan Vaillancourt, il aime bien ça, dire ça. Ah ouais, je savais pas. En pas, fait, ils font pas vraiment de podcast, eux autres, me semble. Oui, non, ils sont venus. Alors, c'est un autre depuis leur comeback? Oui, ben, il me semble. Je suis plus sûr. OK. Hey, les gars, faites de quoi? Oui, faites de quoi, ça n'a pas de sens. Anyway, je retrouve pas son nom, mais il me semble que c'est Simon Darvaux. Tout ça pour dire... Simon, c'est précis. Mettons Luc Dubois. Non, attends une minute. Je vais faire un search. C'est pas fin, ça. Jeff, okay? Cherche. Remplis du temps. T'as-tu un outil de recherche? Ben, pas pour la population totale de la Terre. Là. Je suis pas ami avec tout ce monde-là. C'est Simon Darvaux, le grand Simon Darvaux, un chic type... Bon. Qui a travaillé sur Castlevania. Pas Castlevania. Hey, ça aurait été là. Ouais, ça aurait été là. Non, il a travaillé sur Assassin's Creed 3. Puis Spirit Games, c'est des gens qui viennent de la série Assassin's Creed, de Dead Space aussi. Oui, fait que c'est des vétérans qui travaillent chez Spirit. Puis ils ont commencé avec un jeu de puzzle qui s'appelait Brain... Hey, ça va mal à soir en tabarnouche. Il travaille tout. Ouais, non, je l'oublie, mais. Mais c'était-tu Brain Dead? Qu'est-ce qu'ils mettent dans la bière chez Arcade Montréal? Ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Ils ont commencé avec Tiny Brains. Ils ont aussi fait Arena Cyber Evolutions. Et Stories The Path of Destiny, c'est un jeu, c'est un action RPG dans lequel on incarne un genre de renard, si on peut dire, qui doit aller faire plusieurs choses, en fait. Parce que ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on avance, puis l'histoire change au fur et à mesure où on fait nos quêtes. Le jeu est un peu en vue isométrique, un peu à la Diablo. Puis on va aller taper des gens, on a une épée, puis on va aller taper des corbeaux. C'est des crows qui se retrouvent un petit peu partout dans le niveau. Les maudits corbeaux, ouais, les maudits corbeaux. Ça fait que c'est picore, ça. Ça picore. Le système de combat est vraiment génial. C'est un système qu'on retrouve dans les RPG. Souvent, les action RPG, c'est assez simple. Tu utilises une touche pour faire tes affaires, puis tu as une petite variante. Là-dedans, tu frappes, tu as un counter-attack quand tu frappes au bon moment. Tu peux aussi t'évader, puis tu peux aussi améliorer ton personnage sans arrêt en ramassant des items. Ce qui fait que ce jeu-là est spécial, puis ce qui fait que ça s'appelle Stories, The Path of Destinies, c'est que disons que dans une mission, je m'en vais sauver mon ami qui s'appelle Lapino. Je vais aller sauver Lapino, mais finalement, Lapino me raconte quelque chose à la fin de mon niveau, puis il me dit « Hey, elle prépare telle ou telle affaire, puis il faudrait peut-être qu'on aille l'arrêter. » Fait que là, à ce moment-là, on te donne un choix. Est-ce que tu vas suivre le plan de Lapino? Ou est-ce que tu vas décider de faire ton chemin tout seul puis d'aller la tuer anyway parce qu'elle est pas fine? Dans un autre moment, tu sais, si tu là tu t'en vas comme ça puis tu fais des choix, t'as un gros livre, puis ce livre là va t'ouvrir justement tes choix, puis il va falloir que tu fasses un choix pour savoir qu'est-ce que tu vas faire par la suite. Donc, les niveaux, ça se ressemble un peu quand même. C'est du combat dans certains endroits. Ça devient comme des arènes avec des ennemis qui vont t'attaquer un à la suite de l'autre. Puis il y a aussi des mini-puzzles où tu vas chercher des choses. Tu vas aussi justement décider d'où tu t'en vas par rapport aux portes qui sont là, mais aussi la couleur des portes. Parce que tu as 4 épées. Puis tes 4 épées ont des pouvoirs différents, mais ont aussi la force d'ouvrir certaines portes qui sont pas ouvrables si t'as pas l'épée. Peut-être juste une note, en fait. Je regarde le jeu, tu sais, puis oui. Ça me rappelle beaucoup Bastion, en fait. Oui, c'est vrai que ça look pas mal. Le type de genre petite arena, la façon dont la caméra est placée. C'est vrai. Y a-tu un feeling semblable? C'est vrai que ça ressemble à Bastion, mais j'ai pas eu le feeling du jeu Bastion. Tu sais, j'ai vraiment eu l'impression de jouer. Je te dirais que ça serait. C'est comme. Pour moi, là, ça, c'est comme si Diablo se jouait comme un action RPG, comme, mettons, Ease. Ou Wise, comme certaines personnes le disent, parce que Moses, que c'est ça? Bizarre. Ouais, il y a du monde qui dit ça, Wise. Ouais. Moi aussi, j'ai pensé ça super longtemps. Rêves. Moi, c'est Matt Bennett qui m'a dit que c'était Ease. Exactement, moi, c'est Matt Bennett qui m'a brisé un moment donné, puis ce gars-là en connaît tellement là-dessus que j'ai fermé ma gueule. Mais. Que Matt, il est crampé, tu me dis. Exact. Bande de poissons, ça fait même pas. Comme Wise. Non, mais je suis allé sur Internet, puis finalement, en effet, ça s'appelle Ease, puis il faut le prononcer comme ça. Bref, ce jeu-là, vraiment, le fait qu'on puisse. Le fait qu'on puisse changer d'histoire comme ça, sans arrêt, c'est vraiment excellent. Il y a aussi un narrateur durant tout le jeu. Tu fais des choses, tu meurs même. Des fois, tu meurs, il dit comme « he just died. He felt so bad. » Puis là, tu sais, t'as tout le temps une nouvelle affaire à dire. Ouais, c'est comme un Montréalais. En anglais, je sais pas c'est qui fait la voix. Sugar Sammy, quelque chose? Non, c'est pas Sugar Sammy. Il y a une voix Edward magnifique. Ah, je pense que c'est lui. Oui? Non. C'est une traduction libre. Ça aurait dû popper Edgar Fruit, man. En tout cas, mais... J'avais même pas caché. Je veux dire, hey, Fruit, il connaît des affaires. Eh oui. Chris, je me fais niaiser. Il connaît des affaires. Excusez les boys. Non, c'est ça, fait que... Spirit, c'est tout à leur avantage d'avoir sorti cette formule-là, parce que c'est quelque chose que j'avais pas vu auparavant. Vraiment, ce que tu vas faire va influencer l'histoire. Puis ce qui arrive avec Stories, c'est que tu vas mourir pratiquement à la fin de chaque histoire. Fait qu'une histoire va durer à peu près comme 4 tableaux, puis tu meurs. Puis là, il faut que tu repartes, le livre recommence, puis tu pars une autre histoire. Puis tu débarres des vérités à propos des gens qui se retrouvent dans ta quête, dont tu as des amis, tu as aussi une pierre mystérieuse qui est un peu evil, puis tu as aussi une espèce de moteur qui peut servir à tuer ton ennemi. Bref, l'histoire est super intéressante, les histoires sont super intéressantes, c'est ce qui fait que tu continues parce que c'est un jeu qui est quand même répétitif à la longue. Puis c'est ce qui va devenir sa faiblesse. T'sais, tu vas jouer là. Moi, je pense que j'ai mis 10 heures dedans, peut-être un peu plus. Quand même. Puis j'ai pas fini là encore. Okay. Puis, tu sais, ce qui te force à avancer, c'est les améliorations, tout ça. Tu veux que ton bonhomme soit de meilleur en meilleur, mais aussi l'histoire vraiment intéressante. Comme à un moment donné, je me suis rendu compte que la fille contre qui je me battais tout le temps dans mes choix. Ben, finalement... C'était ta mère. Non, c'était pas ma mère. C'était pas ma mère, mais je me suis rendu compte que le protagoniste avait des sentiments pour elle. Puis que peut-être qu'elle avait des sentiments pour lui. Puis elle a refusé, genre, une fois. Puis moi, j'aime ça, la romance. Ouais, c'est vrai. J'aime ça. Moi, je suis un romantique. Ah, t'es bon. Fait que... Il est bon. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, grave d'essayer de musique à sa blonde. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est musique de ta blonde. Ouais, ouais. C'est lover au max. Je suis super lover. Mixtape. Ok. finalement, tu te rends compte que c'était peut-être ta blonde. Oh. Ah. Puis ouais. Fait que là, tu sais, tu l'as tué dans une histoire précédente, dans le précédent. Lapineau, excuse-moi. Un moment donné, tu t'aperçois que. Je laisse le mystère. Ah, oh, man! C'est bon. Il faut que vous jouiez. Spoil pas ça. Sérieusement, là, c'est super bon. Juste pour l'histoire, là, moi, ce jeu-là, je donnerais un 5 sur 5, mais je peux pas faire ça parce qu'un jeu, c'est pas juste une histoire. C'est aussi du gameplay. Le gameplay est excellent, mais devient un peu répétitif. Et pour cette raison, je lui donne un 4 sur 5. Good. Considérant que c'est digital, que c'est une compagnie de Montréal, que ça donne une tonne d'heures de jeu, ouais. C'est une bonne façon de rentrer dans les RPG, sérieusement. Mm-hmm. Comme le jeu que j'ai présenté au début, qui crée deux RPG dans mon line-up, c'est assez rare. Ça paraît, c'est aujourd'hui. Ouais, puis ils m'ont donné le goût. Ils m'ont donné le goût. Sérieux, là, Spirit, puis les enfants grandissent, comment ça va de plus en plus de temps? Oui. Exact. Ouais, mes enfants. Vrai, ouais, c'est vrai parce que Story, j'ai pu jouer devant mes enfants. J'ai pu jouer devant mes enfants, puis ils comprenaient rien de ce qu'ils disaient. Fait qu'il n'y avait pas le goût de jouer. Moi, ouais. J'avais le goût de jouer. J'ai joué pendant ce temps-là. Parfait. Mais achetez ça. C'est une très, très belle surprise. Et bravo à toute l'équipe de Spirit Games. Vous avez fait un jeu canon. On encourage le talent local. Ben oui, c'est important. Mais on encourage le talent local aussi quand il est excellent. Puis ça, c'est vraiment, ça se démarque de plein d'affaires. Puis c'est meilleur que certains AAA qu'on joue à certains moments, même s'il est de nature répétitive. Merveilleux. Fait que c'est l'heure d'une petite pause. Pause, on revient. J'ai des fun facts de retour. Puis après ça, on a une petite discussion pour finir le show. Discussion rétro. Bougez pas. Ça. C'est en effet que propriété Arcade Montréal. Nice. C'est pour vos soirées, ce buzzer-là, Dom. Ouais, c'est pour les quiz. Même les buzzers sont malades. Qu'est-ce que la source n'offre pas? Fait que c'était des fun facts. 5 fun facts cette semaine que je vous ramène. Ouais. Okay, on pense ça en Famicom Disk System. Numéro 5, le Nintendo Disk System. En 86, Nintendo avait sorti un Disk System pour la NES au Japon qui avait été annoncé pour l'Amérique du Nord, mais il a été rapidement annulé. Ben, c'est le Famicom Disk System. Mais c'est ça, ça faisait partie du Famicom au début. À gauche, c'est le Famicom original avec l'adapteur en dessous. À droite, c'est le Twin Famicom qui était inclus dedans, dans le fond, le Disk System. Il était built-in, ouais. D'ailleurs, en parenthèse, si vous regardez en dessous de votre NES Toaster, il y a comme une affaire dans le milieu là, que tu peux enlever. Il y a comme une genre de prise en dessous. Ben, de quoi de weird que je vous avoir là? Ben, c'était l'entrée pour le Disk System à venir qui n'est jamais venu. C'est ça. Dans le fond, ça utilisait des floppy disks. En bas à droite, c'est Zelda, en fait, là. Puis en bas à gauche, comme vous voyez, c'est la mascotte Discoon. Mm-hmm. Ah, elle a un nom. Discoon. Discoon. D-I-S-C-O-O-N. C'est la mascotte. Wow. Alors, dans les features du disque système de Nintendo, il y avait un micro qui venait avec ça pour jouer avec une version mise à jour de Zelda. Fallait que tu cries dans le micro pour tirer certains types d'ennemis. Ah. Comment ça devait être agréable de jouer à ça chez vous, pour tes parents, là. Ah ouais, c'était juste, Est-ce que t'as le détail, les ennemis? Non, j'ai pas le détail. Non, vas-y. C'est les espèces de chats avec des grandes oreilles, tu sais. Ah. Puis, grosso modo, c'est vraiment ça. Puis dans le guide, ça disait genre qu'il aimait pas le son. Mais dans la version nord-américaine, ça fait absolument rien. Je pense que ça dit quand même qu'il aime pas le son. J'ai oublié le nom de ces affaires-là, mais tu sais, quand t'y regardes, puis tu sais ça, ça fait du sens parce qu'ils ont des grandes oreilles, tu sais. Vous irez voir. Gimmick qu'ils ont sûrement ramené dans Phantom Hourglass sur PS. Ouais, exact. Ils gueulent dans le studio de Nintendo. Mais ils font tout le temps ça, Nintendo. Ils essaient une affaire dans le temps. Ça marche moyen. 20 ans plus tard, ils n'ont pas oublié. N'oublions pas que c'est quand même l'endroit où il y a les talk shows qui t'humilient sans arrêt. Là. Ouais, au Japon. Ouais. Te faire humilier devant le public. Un gros ventilateur leur en face pendant que tu lis des nouvelles. Scream, player. Scream. Fun fact, player. Why you scream? Concernant les jeux Godfather et Scarface, Marlon Brando avait enregistré du dialogue pour le jeu de EA Godfather juste un peu avant de mourir. Il avait été payé vraiment très cher pour faire ça. Malheureusement, ils ont été incapables de l'utiliser sa voix parce que sa voix sonnait trop vieille, trop shaky. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé un imitateur de Marlon Brando. Fait qu'ils ont tellement gaspillé de cash à l'avoir lui-même dans le jeu qu'ils ont même pas utilisé sa voix. Et pour Scarface, ben, ils ont compris en fait là. Ils ont engagé un imitateur straight. Non, c'est Al Pacino lui-même qui a choisi un voice actor. Ouais. Fait que c'est André Sogliuzzo qui a eu le rôle. C'est un vétéran du voice-over dans les jeux vidéo, ce gars-là. Okay. Apparemment. C'est dommage, man. Hey, en passant, là. Pour Godfather. C'est cool, plus value là, d'avoir la vraie voix, même du parrain. Ça, c'est deux excellents jeux. The Godfather, surtout, là, c'est de la vraie bombe. Là. C'est vraiment bon. Ces jeux-là. Oui. J'ai jamais joué à Scarface. Ben d'ailleurs, il y a Mafia 3 qui est un peu dans le même genre qui va sortir bientôt sur les consoles Next Gen. Fun fact numéro 3, dans Zelda, dans le fond, Legend of Zelda, Link's Awakening, il y avait une maison avec un bonhomme avec des cheveux verts. Ah ben oui! Tabarnouche. C'est Dr. Wright, le conseiller dans SimCity, en fait, qui est nommé à l'honneur de Will Wright, le créateur de la série des Sims. C'est malade, il est dans Zelda. Ça remonte bien avant même SimCity, lui, qui soit cool, là. C'est cool, ça. Aïe, aïe. Je sais pas s'il a les cheveux verts dans la vraie vie, mais... Qu'est-ce qu'il fait, là? Il y a beaucoup de peau, en tout cas, dans sa maison. Fun fact numéro 2. Coup d'épée. Dom va être content parce que je vais parler de Golden Axe. Là. Oh. Ben, j'aime pas ça tant que ça. Bah, c'est pas grave, c'est du Genesis. C'est quand même cool. Les cris de mort dans la version originale de Golden Axe, en fait, c'est des cris digitalisés utilisés dans les films de Rambo First Blood puis Conan the Barbarian. c'est incroyable. C'est fou, hein? Wow. Fait qu'ils ont pris vraiment les cris dans le film. Ça sonnait digitalisé. Ouais, hein, ils ont juste ça, j'ai pas le détail de ça. Ben, j'imagine qu'ils ont un peu mal. Mais dans le temps, ça se peut que non. Peut-être que non dans le temps, je sais pas. Ils en ont tellement fourré des Arnold puis des Sylvester Stallone là, dans les années 80, les jeux vidéo. Il se retrouvait partout, crime. Il se retrouve sur la pochette de contrat. Personne ne nous a donné une scène pour ça. Ils sont légèrement modifiés. Ouais, exact. Juste un peu. Juste légèrement. C'est pour gagner en cours. Ouais, c'est ça. C'est un avocat qui les a dessinés derrière. C'est ça. Puis le fun fact numéro 1 concerne Star Fox Adventures. Nick a parlé de Star Fox. What the fuck? À l'origine, Star Fox, ça vient du jeu Dinosaur Planet, un jeu entièrement développé par Rare. Ça mettait en vedette un renard bleu nommé Crystal qui, par la suite, est devenu un membre de l'équipage de Star Fox. Ouais. Crystal. Fait que tu vois, là, comme. Ouais, ça. Elle est à gauche dans Dinosaur Planet, puis elle est à droite de Fox Star Fox Adventure. Fait que les deux jeux sont reliés. Oh. Mais est-ce qu'il est sorti de Dinosaur Planet? Ça me dit vraiment rien, cette affaire-là. Ouais, moi non plus. Bonne question. J'ai trouvé l'image. C'était Nintendo dans mon application. Ouais, puis tu vois le logo de Rare en bas à gauche, là. Ouais, puis c'était Teen. Mais j'ai l'impression que c'est. Ouais, mais tu sais, des mock-ups, ça existe tellement sur Internet, là. Ouais. Ben, ça se peut que ce soit quelqu'un qui a inventé ça. Mais j'ai vu des images de gameplay, moi, des photos de gameplay. Je sais pas si c'est une version de démo. Dans mon application ici de Pure Gaming, puis je le vois pas dedans. En tout cas, Planet. C'était pas bien beau. Non, ça avait l'air à chier, hein. Fait en tout cas, ils ont, ben, si c'est pas sorti, ça a été l'inspiration pour Star Fox Adventure Dinosaur Planet par Rare. Nice. C'est comme aussi beau qu'un jeu de bib. Sa pochette de Dinosaur Planet en bas, là, sur les penchés, il ressemble à. Tu sais, il y a un film là, de dinosaures là, qui se parlait. Il y avait une télésérie, un père puis des enfants. Oui, c'était en, vrai, en humain. Ah, ben, c'était des Jim Henson. Ouais, c'était weird, là. Mais ouais, c'était comme des mopettes. C'était du vrai monde. Il est pareil. Là, t'avais un dinosaure adolescent qui était tellement cool avec une casquette, là. Ouais, exact. Avec une casquette. Les années 90. Des dinosaures qui font des affaires. Ouais. C'est ça, la merde. On s'en calisse des dinosaures. C'est juste Jurassic Park qui est bon. Dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo. Jurassic Park, Genesis. Très bon. Qu'on a vu dans les publicités, justement, la pause. Tu avec le raptor. T'as jamais joué? Ben, je l'ai, mais. Non, je l'ai pas. Mais ouais, j'ai joué dans le temps. Non, j'ai rejoué l'autre fois. C'était le fun. Ouais. Oh, ouais. Tu rejoues avec Cadillac. J'ai rejoué avec la Everdrive. Ça, c'était bon, par exemple. Parce ouais, Cadillac et Dinosaur. Fait que c'était mes 5 fun facts de l'épisode. Excellent. C'est ouais, vraiment des bons. Comment ça a dû à trouver? Tu t'en vas dans le deep web. Je creuse, là. Ouais, je suis bon dans le web obscur, là. Chez nous. C'est ça, c'est un petit terminal noir avec une verte qui flash. Je dis, qu'est-ce que tu peux m'offrir contre cette information? Saviez-vous que Miyamoto porte des bas du lundi au samedi, mais pas le dimanche? La discussion. Oui. Oui. Discussion rétro. Discussion rétro maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être une discussion sur les jeux. On va parler des jeux qui ont bien traversé l'épreuve du temps. Mais là, on parle de jeux précis, de style. Ah, écoute, on parle de tout ça at large. On peut parler de jeux précis surtout. Donc, ben, les anciens jeux sont encore le fun en ce moment. Ouais, exact. Ouais. Encore le fun, puis tu regardes, puis tu vomis pas. C'est ça. C'est comme tantôt, tu me parlais de Jurassic Park ou Genesis. Ouais. Ça, à mon avis, ça l'a bien vieilli. Je peux pas te dire. Parce que c'est encore le fun. Tantôt, j'ai joué à Hit the Ice. Là. Ouais. C'est plate en Simon. Les joueurs avancent. Je me rappelle pas. Plus, j'ai même pas rejoué. Si tu pèses ton piton, t'attrapes la puck à coup sûr. C'est mais impossible. Il est meilleur si à l'arcade, ce jeu-là. Oui, mais il est spécifiquement fait pour te faire dépenser de l'argent pour pogner des power drinks pour que ça aille plus vite. Ouais, exact. Ah, c'est ouais, c'est vrai, ça diminue un autre 25 cents si tu mets un power drink. Mais tu veux ça a mal traversé l'épreuve du temps. Et moi j'ai une longue liste. Toi t'en avais une liste. Ouais, c'est ça. Ouais. Chose en quelques uns. Ben, je pense que le numéro 1 pour moi là, que je trouve qu'il a bien traversé le temps là. En tout cas dans mon top 10. Oui. Chrono Trigger. Tu sais, j'ai rejoué souvent dans ma vie à ce jeu. Je l'ai joué. Mettons je l'ai fini 3 fois. Puis j'ai rejoué peut-être 6-7 fois des fois que j'ai abandonné le projet là, pour une raison X. Là. Mais tu sais, la vie. Genre fonder une famille. Ouais, genre, c'est ça, exact. Exact, tu sais. Acheter une maison. Genre, ça comme là, ça. Fait que, mais ce jeu-là, là, c'est incroyable comment, premièrement, graphiquement, il est encore très très beau. Ouais. Tu sais, c'était du beau 16 bits. Il était rendu à un bel endroit au niveau de, comment il savait comment exploiter la machine. Exact. Ouais. Puis, ce jeu-là, le flow est bon. T'sais, l'histoire est hot. Puis tu sais, juste, c'était révolutionnaire le nombre de fins, là, ça finit plus. Tu sais. Mm-hmm. Tout dépendant de ton équipe finale, d'un paquet de facteurs, tu sais. Ils ont quand même aussi tué le personnage principal. Tu sais, que tu peux ramener à la vie, là, tu sais, excusez le spoiler, mais tu sais, quand un jeu a plus que 25 ans, le monnaie, t'es. Ouais, t'es correct, c'est ça. Là, tu sais. Ça, c'est comme les films en noir et blanc sur YouTube. Exact. Ils peuvent bien être gratis au complet. Exact. Fait que, dans le fond, là, ce jeu-là, là, super bien vieilli, non seulement graphiquement, mais. Le modèle du jeu aussi, tu sais. C'était quand même. Ouais. C'était quand même un petit coche plus dynamique qu'un turn-based classique, tu sais. Tu bougeais dans une map, tu sais. T'avais pas les ennemis qui popaient n'importe où. T'allais les chercher. Puis, tu sais, c'est super beau, là, ce truc-là. Pour moi, tu sais, puis là, je sais que ça va mériter plusieurs emails de haine et peut-être même. Un renvoi. Ouais, t'es habitué, suspension mais au moins. Chrono Cross a jamais été capable de vivre. Ah, Chrono Cross. De vivre la. De faire vivre la magie là, qu'on avait. C'est comme la Camaro qui est devenue le Beretta à un moment donné, ou la Transam qui est devenue un Beretta. Le Chevrolet Camaro, à un moment donné, ils ont arrêté d'en faire. Ils ont fait un Beretta. Tirant en tabarnak un Beretta. L'usine de Blainville. On parle de char. Mais tu parles de char, justement. Les jeux de course, je pense, ça vieillit bien en général. Là. Mario Kart au Super NES. Ouais, les jeux de karting. Ouais, Mario, les jeux de karting. Mario Kart, c'en est un qui a très bien vieilli. Là, Mais pour revenir vite vite au RPG, ouais. Moi je trouve que avec ça, là, mais Final 2, 3, ouais. US, oh, ouais. Moi, tout à fait. Ça marche toujours, oui. Ça. Ouais. Le 2, parce Cécile, que j'aime beaucoup dedans mon 2, c'est avec Cécile, 3, c'est Acridia, là. C'est ouais, malade, ce jeu-là. Ça marche mais encore. Mais tu sais, on s'entend aussi qu'avec toutes les années, ce style-là, malgré les avancées technologiques, la base reste la même. Exact. Ben, c'est quand même. De Bravely Second, ouais, tantôt. Mais ils ont ouais. Acheté tout ça, mais t'as raison. La ouais, mais c'est quand même solide. Là, tu sais, c'était. Exact. Ce qui se fait, tu sais, comme je regardais Bravely Second tantôt, ça aurait pu être un jeu des années 80. Il aurait pu moins le faire. Beau, mais il aurait pu le exact. Faire. Exact. Il y a des éléments modernes qui ont emprunté à d'autres styles de jeu plus modernes, mais t'as raison. Tu sais, quand la base est solide, là, mm-hmm. Après ça, tu peux construire autour. Mais ça, c'est ouais, une exact. Base ultra solide. Ouais. Je suis d'accord avec toi, les Final 2-3 nord-américains. C'était vraiment le premier, non. Le premier, tu sais, c'est un bel effort. T'sais, tu te dis, t'avais joué à Dragon Warrior, tu ouais, dis, autre chose. Là, tu dis, wow, man, j'ai une équipe de 4. C'est comme, es-tu sérieux? Ouais. Puis là, après, tu te dis, OK, ça passe pas bien vieilli. Oui. Ben, j'en ai un bon, moi. Tous les Mega Man au NES. Oui, oui, et oui toutes totalement. Les X au Super NES. C'est moi, vrai. Je trouve que ça marche super bien encore. Oui. Oui. C'est un bon challenge, c'est bien fait. Les X, c'est malade, là. Oui. Tu sais, comme la vitesse, ouais. La musique. Rock, là, tu sais, ouais. Avec la guitare, puis tout, t'es grand, t'es c'était beau, t'sais, t'sais, tâche. Mais, tu sais, il y a de la puissance dans ces jeux-là que ouais. J'ai rarement revu, là, aujourd'hui. Mais le monde, à part pour des jeux comme Platinum Games, que c'est ultra violent, puis rapide. Mais moi, c'est ça du fait monde qui sont X, inspirés t'sais. De ça ouais, aussi, c'est ça, là, c'est... Mais c'est ça, le monde a oublié aujourd'hui que, tu sais, quand tu voyais Mega Man X pour la première fois, tu capotais. Ouais. C'était tellement un upgrade, là. Tu pleurais, tu sais, comme ton quand j'ai reçu mon Nintendo Power, je oh my God, que ouais. C'est badass, ça. Ouais, ouais, mais... Il était soudainement comme agressif. T'sais, son casque était oh, pointu, ouais, ça lui donnait une face. Il était aérodynamique, la position. Non, non, Zero, tu sais. Ouais, juste malade. Ouais. On capotait sur mais, Zero. Mais la Super NES a fait ça parce que, tu sais, quand on a vu la première fois la Genesis, quand même le premier système nord-américain 16-bit qu'on a eu, ouais. C'était cool. Tu dis, wow, cool. Tu sais, Golden Axe, Altered Beast, tu dis, wow, ça ressemble ça, vraiment. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, mais tu dis, wow, c'est comme à l'arcade, ça ressemble ouais, à ouais. Mais après ça, genre, plus proche je me rappelle, la première fois que j'ai vu, c'était un magasin, ça s'appelait, je pense que c'était Gen 4. C'était un magasin français de jeux vidéo. Puis, il y avait une photo de Super Mario World là-dedans. Ouais. Ouais. Là, je regardais ça, puis je pouvais pas croire comment c'était beau. Les couleurs, tu sais, c'était cool. Comme... Mais oui. Quand je jouais à ça pour la première fois, je venais pas. Puis tu sais, il y avait deux façons de finir chaque tableau, tu sais. Ouais. Mais par contre, tu sais, oui, ça, c'était merveilleux. Shout-out à Super Mario Bros. 3. Ouais. Ouais. Tu sais, genre, ce ouais, jeu-là, là, on parle de qui ont passé le temps, les épreuves, tout ça. À la NES, là, tu joues ça, tu dis, wow, encore aujourd'hui, parfait. Ah, c'est encore excellent. Tanuki, let's go. Il y a du stock les secrets. Là, t'étais servi, là. T'sais, ah oui, tu sais. Mettons, t'achetais un jeu de NES. Mettons, t'achetais un Magon à 60$. Ou t'achetais Mario 3 à 60$. Il y en a un qui était plus rentable. C'est clair, tu sais. Ouais. Ah, Magon. C'est ça la beauté de la NES. Puis dans le Nintendo Power, il disait, c'est très bon, Magon. C'est très bon, Fester's Quest. Là. Achetez ça, tout le monde. Ah, Fester's Quest. C'est du gros push de ah, produits. Oui, t'sais. Push, mais tu sais, il y a quand même des super beaux jeux. T'sais. À la NES, bon. Tu sais, Zelda, pour moi, il a vieilli correctement. Oui, mais il manque de... Ouais, A Link to the Past, là, c'est genre, ça ouais, joue ça, super ça, bien. Ça, c'est beau. A Link to the Past, c'est celui qui a mieux vieilli. Tellement, là. J'ai rejoué au premier, puis je t'avoue que je te... Ben, c'est parce que tu sais pas où aller. T'as non, pas, c'est pas ça, kit, exact. Tu peux rester pris pendant des semaines. Il y avait une map dans la cassette originale. Ouais, mais... Ouais, je sais, mais la cassette originale n'est pas dans Virtual Console. Il manque de guide un peu dans le premier, mais c'est le fun à jouer, par ton iPhone, de quoi tu te plais? Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord, non, mais honnêtement, c'est pas... Tu dis, ouais, c'est correct. C'est une belle expérience. Ouais. Mais non. Mais il fallait que ça vienne avec un compagnon, tu sais. Ouais. Moi, d'après moi, quelqu'un qui a bien, quelque chose qui a bien traversé l'épreuve du temps, c'est que tu le mets dans la machine, tu le pars, puis ça marche. C'est aussi bon que quand t'étais kid. Ben, moi, je pense à Contra. Il n'y a rien qui a changé. Contra, ah, c'est ouais, ça que j'allais dire. Contra, c'est... Le premier, tu sais, c'est parfait. Ouais, le ouais, premier, parfait, surtout. Tu sais tout quoi faire tout de suite. Ouais. Toutes les visual cues sont là. Exact. Tu sais ce qu'il faut, puis tu ne poses pas de questions. Mais en fait, ça, c'est un bon point aussi. Je trouve quelque chose que tu n'as pas besoin. Les jeux que tu n'as pas besoin d'expliquer. Un moi, chum c'est, pour ça que manette, c'est pour ça que là. J'aime le rétro. Ouais. Je ne veux aucune explication. Je veux embarquer puis que ça se fasse naturellement. Là. Mais tu sais, il y a du next-gen que ça existe, mais souvent, c'est du next-gen qui copie le rétro. Ouais. Comme, mettons, tu sais, Broforce. Ouais, c'est ça. Que je joue pas mal dernièrement. Ouais. T'as pas besoin d'expliquer ça à personne. À personne, elle rentre et elle attire tout ce qui existe. Mais moi, je viens de commencer Axiom Verge. Oui, là, oui. Je capote, man. C'est écœurant, ouais. Axiom Verge. Ah, j'étais comme, faisant pas de Metroid, là, 2D. Là. Ouais. On a un ici. Il y a quelqu'un qui l'a fait avant fucking Nintendo. Ouais. Ben, parlant de ça, Super Metroid. Ah oui. Ouais, Super Metroid. Les classiques Metroidvania, tu sais, c'est ben, classique. À part Symphony of the Night, ouais. Super Metroid, j'en vois pas d'autres. Mais c'est deux jeux extraordinaires, ça, qui marchent encore très bien aujourd'hui, ouais. Je trouve. Vraiment. Personnellement. Là. Des jeux de combat aussi. Ouais, ben là, moi, j'ai sur ma liste là, Super Street Fighter 2 Turbo. Ouais. Mais dans le fond, Street Fighter 2, ouais. OK, Championship Edition. La compétition Edition. Qu'on a faite, ouais, si jeux du passé. Ouais. Tout le monde trippait. Hein. C'était pas le Turbo. Ouais, là, arrête, c'est supposé être bon dans tout. Tout le monde était là, même Bison était là. Écrasé. Ouais. J'ai gagné. Ouais, c'était malade. Ouais. Ouais. Il y avait 60 participants. Je suis sorti vainqueur. Incroyable. C'est incroyable. Mais il a très bien vieilli. Puis moi, je dirais, dans les Mortal Kombat, le deuxième. Ouais. Mortal Kombat 2, ouais. Je trouve que bien vieilli. Le 1, moyen, c'était limité. Ouais. Tu vois, il essayait quelque chose. Le 3, correct, ça dépend du monde. Ben, ils ont racheté des combos, tout ça. Ouais. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais le 2, mais, le 2, mais je pense que le 2 aussi, c'est parce que ça a été le plus grand succès commercial de la série. Ouais. Les mais, autres mais, ont mais pas. Il y avait plus de stock, plus de stock, ouais. Plus de cachettes, plus de folie. Ouais, il y avait de l'amour qui avait été mis là-dedans. Il est sorti assez vite quand même. Je pense que c'est un an. Oui. Quand on a vu sa poignée, on dit, oh, on va milquer cette, ouais. Cette vache commerciale. Mais moi, je trouve aussi que dans les jeux de bataille, Tekken 3 oui. A été comme révolutionnaire. Tu sais, Tekken tu 1, c'est... Le Tekken 2, c'est comme... Ah, Tekken 2, tu on sens qu'il y a quelque part, chose. Il y a ouais, quoi? Tekken 3, c'est comme, OK, là, on, là ouais. Ils l'ont compris. Là, ça, man, j'ai joué à ça. C'est là, et encore aujourd'hui, c'est... Ça joue super j'suis bien. Les combos, tout, j'suis j'ai... Tout à fait d'accord. Puis toutes les autres Tekken ben, que j'ai joué, en tout cas, jusqu'à là, je me suis rendu. Là, j'ai pas joué la dernière génération, mais ils reprennent le modèle, c'est tout le temps pareil. Ouais. Fait que ça marche toujours. Ouais, ouais. Mais t'as raison, lui, il a amené une coche de plus. Ah, là, ouais, le 2, il avait pas mal les éléments en place, mais le 3, il a solidifié vraiment la franchise. Tu sais, je dirais, on n'a pas donné beaucoup d'amour à Sega. Là. Moi, Sonic 2. Oui. Je l'ai trouvé vraiment bon, il vieillit bien, il va vite. T'sais, le 1 était très bon, mais le 2, il a amené. Il faudrait que je le finisse, ce jeu. Mais ouais, j'ai le... fini un Sonic de ma vie. Non, aucun. C'est... J'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de faire ça. C'est un... Moi, c'est ça l'affaire aussi, c'est que Sonic, les premiers Sonic, c'est un peu décevant à terminer. Parce qu'il n'y a pas une grande finale grandiose. C'est pas. Non, mais c'est juste de progresser. T'sais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais. Mario t'offrait quand même quelque chose. T'sais, t'avais une finale, t'avais la musique de la fin, t'avais le générique, t'avais tout ça. C'était quelque chose de gros. Sonic est moins impressionnant. Moi, ce qui m'a toujours déçu de Sonic, c'est que t'as deux façons de faire les choses. Doucement, ouais. En explorant, ou fucking vite en voyant fuck all. Ouais. Fait que soit que tu fais tout le jeu puis que tu vois rien tout le long, ouais, tu finis le jeu. C'est pas doucement, ce jeu-là. Tu... Non, mais ouais, c'est ouais, ça, mais avoue là. Que... Moi, en tant que complétiste, ouais, je ouais, sais non. Pas quoi. Je, ouais. Mais moi, je suis comme, ah, okay, ça va trop vite, là. Je rendais tu à la fin. Un ordinateur. Je sais qu'il y a des affaires partout. J'ai ouais. Tout raté ça parce que je vais super vite. Ça a tout le temps été mon dilemme en jouant à Sonic. Mais dans les nouveaux, comme d'ailleurs mon Sonic préféré, Sonic Generations, ces gars forcent le joueur justement à arrêter à certains ouais, moments. Ça. Puis ça, je trouve ça génial. Les fans ont vraiment détesté ça parce que. Les autres, ils veulent juste aller le plus vite possible puis finir ouais. Le tableau le plus vite possible, mais c'est le fun d'explorer dans Sonic aussi, là, même s'il va vite. Crème. Ouais. Non, je suis d'accord, mais quand même, tu sais, je pense qu'il vaut la peine. Le deuxième, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal un des meilleurs, ouais. Plus balancé. Là, tu sais, peut-être qu'on peut retourner une génération en arrière. T'sais, moi, niveau Atari, il y a deux jeux que je trouve qui ont vraiment bien vieilli. Yars Revenge, je joue à ça, je trouve c'est beau encore. T'sais. Esthétiquement, ils ont réussi quelque chose, puis je sais pas pourquoi ce jeu-là, je l'apprécie vraiment particulièrement. Ouais. Comparément à beaucoup d'autres jeux Atari que j'aimais, puis que maintenant je trouve moins intéressant. Ouais. Puis, tu sais, Frostbite, que je trouve le fun. Ben, c'est ça. Ouais, les fun, jeux Frostbite. D'Activision, encore aujourd'hui, mettons Kaboom, là, ouais. C'est le fun. Là, c'est le bonhomme en haut du mur qui ouais, tape ouais, des bombes. Il faut une chaudière d'eau en bas, fait que tu captes toutes les bombes. Ouais. Non, c'est des jeux d'adresse un petit peu plus. Là. Ça vieillit toujours bien. Ben, moi, Arkanoid, il a super bien vieilli, ce jeu-là. Sur n'importe quel port qu'il y a eu, j'ai ouais. Vraiment aimé ça. Ouais. Puis ça, ça reste encore là, ça reste des jeux en 2D. T'sais, c'est comme de dire Tetris, t'as bien passé l'épreuve du temps, c'est sûr. Ça reste Tetris. T'sais. Tetris Game Boy. Marcanon, Game Boy, il y avait un périphérique, hein, je pense. Oui. De genre Honest, de roulette. Il y avait un périphérique. Ça venait avec le kit, là, Taito. J'aimerais ça l'avoir, ce kit-là, d'ailleurs. Ça doit être vraiment un beau. Ça doit être rare en tabarnouche. Moi, si on parle de NES, il va falloir que je repitche. Bubble, en fait. Je me tente pas de jouer à ça. Je trouve ça un petit peu pénible, moi. Moi, je te dirais que avec le temps, ça vient long. Weg, Snow Brothers a pris le dessus sur Bubble. Ah ouais? Qui ont sensiblement la même mission, en fait. Mais Snow Brothers est un petit peu plus rapide. Mais après ça, il y en est sorti plein de jeux de ce style-là. Là, ouais. Mais Bubble, moi, c'est la nostalgie, là, vraiment. Okay. Là, parce que sinon. Bon, ben, la musique, ouais, la musique. L'hypnotique pendant 60 niveaux, là. Clairement. Ouais, mais il fallait qu'elle soit bonne pour que tu l'endures 60 niveaux pareil. T'sais. Ouais, exact. Le loop est bon, il est bien fait. Ouais. D'abord, Puzzle Bubble ou Bust a Move. Ouais, Bust a Move, là, ça. Ça, c'est le jeu le plus frustrant de toute la Terre du monde parce que. Lui, là... Oups, juste un peu à côté. Comment? Non, mais c'est pas non, ça. Non, mais c'est parce que ça, c'est ton affaire. Ah ouais, il y a ça, là, tu sais, tu tirais des buts. Mais tu sais, là, je savais jouer à Bubble Witch Shaga, puis tous les crap iPhone qui ont sorti de clones de ce jeu-là, qui est arrivé, tu sais, avec... Il l'avait, là, tu sais, c'était... Mais là, oui. Là. Malheureusement, tu sais, mais c'est le pire là-dedans, là, c'est que... C'est eux qui ont la licence puis ils ont fait le pire port ever. Ouais, moi j'ai essayé, il est pénible. C'est épouvantable. Ouais, ils l'ont même pas updaté pour le iPhone. Là. Ils sont restés comme au iPod Touch deuxième génération. Puis l'écran est même pas. Il fait même pas tout l'écran. Ouais, je sais, il est mauvais sur iOS. Mais... Caline, ça a pas de sens. Un autre jeu qui a bien passé le temps. Gals Panic. Ah, ouais. Ça, là, c'est toujours bon, ça. Le jeu du DOA, man. Ouais, le jeu du DOA. Kix. Non, moi, j'adore mais, ça. Non, mais je dis Gals Panic, mais Kix, là. Le Kix est pissé. C'est toujours le fun. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va trouver ça plate, Kix. Il y a même. Tu sais, moi, j'avais même joué à un jeu que c'est comme Kix, mais de la nouvelle génération, Dr. Awesome. C'est un des premiers jeux que j'ai critiqué à Rétro Nouveau. C'était un jeu sur téléphone. Ah ouais, je m'en souviens pas. Faut que tu défasses des bébites, mais c'est comme Kix, mais organique. Que tu bouges les affaires pour justement tuer des microbes. Tu parles d'une mécanique simple. Kix, c'est simple. Oui. Au bout. Kix, c'est super simple. C'est pas plus simple que ça. Tu fais des lignes. C'est la base, là. Ah ouais. Mais ça reste vraiment le fun. Ça reste très bien vieilli. Ouais. Ah, écoute, c'est ça, quand la mécanique de base est bonne. Je pense qu'on n'a pas nommé Miss Pac-Man, en fait. Là, je trouve que. Oui. Pas Pac-Man, parce que Pac-Man, tu t'écœures, en fait, à un moment donné, mais que ce soit un meilleur. Miss Pac-Man, il y a juste assez de variété pour te tenir intéressé. Oui. Ouais. Ça, c'est toujours un challenge, ça. C'est... Si on veut. Ben, elle est plus rapide. Ben, ici, elle est fucking rapide, mais c'est anormalement rapide. C'est pas la vitesse normale. OK. Mais il faut que tu joues dans Cocktail pour la vitesse normale. Mais un coup, tu joues à la vitesse hyperspeed, comme on a ici. Oui. C'est plate à revenir à la version. Ouais, exact. T'as trop de fun à aller vite. Là, ben, c'est comme le Pac-Man, Pac-Man Championship Edition. Ça, c'est malade, ça. Ouais, ça, c'est hot en style. DX. Ben, si on reste dans les arcades, moi, Tapper, ça va tout le temps rester dans le classique. Ouais. Il est bon sur Atari, il est bon sur Coleco, il est bon à l'arcade parce que qu'ils sont bien faits puis ils marchent tous de la même façon. Ouais. Donc, c'est tous des bons ports là, qu'il y a eu sur ces vieilles consoles. C'est vrai. C'est pas compliqué. Tu sers de la bière, tu ramasses les box, tu ramasses le cash. Ou de la route bière. La route bière. La route bière après. Ouais, surtout de la route bière, en fait. C'est un arcade original que c'est de la botte, mais ça me prendrait ça un cabinet de tapeur de bière. J'aimerais savoir ça. J'avoue, ouais, c'est écœurant. Hein. Mais ouais, c'est ça, il y a pas mal d'autres jeux. Ben, il y avait Pouillane, moi, qui est un. C'est drôle, là, mais c'est on y rejoue. Correct, c'est pas comme mais... captivé. Ça donne un excellent 7 minutes. Pouillane, c'est un excellent 7 minutes. Tu sais, c'est comme. Ah, je suis pas sûr. Switch. Ouais. Moi, des fois, Pouillane, je dure trop longtemps. C'est tellement simple. T'es curé, hein. C'est comme. Ouais, mais c'est comme un jeu de fin de soirée, là. Tu sais, quand t'es vraiment tanné, t'es juste... Quand tu veux que tes invités s'en aillent, tu boot Pouillane. Les joueurs Pouillane. La console de ton les choix. Cochons, là, mon gars. Mais la version NES sur la cassette de 260 jeux, donc ça doit être une version Famicom, imagine, est bonne. Ouais, bonne. Je l'ai trouvée meilleure que sur l'arcade, tu sais, que sur Atari. Elle est pas un petit peu plus rapide. Ouais, puis c'est mieux si les contrôles sont bons. Tight, j'ai joué en fin de semaine, mon gars. Ah ouais, bon, sur la cassette, c'est quoi, c'est une 72, je pense, que j'ai chez nous. Puis il est très bon. J'ai joué à Circus aussi avec mes enfants. Ça, c'est overrated. Mais on dit, je veux plus jamais jouer à ça. C'est tellement dur, ce jeu-là. C'est meilleur à l'arcade, Circus Charlie, là. Vraiment. Là. Ben, je pense que c'est à cause du cabinet. Parce non, que. Non, le graphisme, le film. Ouais. La version NES, tu fais le tour vite. Là. Ouais. C'est comme. C'est très moche. C'est 5 niveaux puis ça se répète tout le temps. Ouais. Ouais. C'en est moche. Sauf que tu veux voir la fin. C'est que tout le monde capote, là, tu sais, mais qu'il n'y a pas grand chose. Tu te rappelles que c'était le fun, mais dans le fond, c'est comme. Ah, c'est vraiment. Sur des ballons. Ouais, c'est ça. Ça, Antarctic Adventures. Avec le petit pingouin. Tu t'aperçois rapidement que tu peux faire le tour vite. Là. Ah, mais ouais, j'ai jamais réussi à finir ça, moi, au Coleco. Mais c'est... Je me suis tanné avant. J'étais bon, mais tu te tannes là. C'est la même petite cabane que tu te rends en petite cabane. Ah, t'es en Australie. Ah, t'es à Sydney. Ah, t'es... Là, tu vois ta map, puis t'es rendu genre à 10% du jeu. Ah non, c'est pédé. C'est vraiment pas terrible. Mais sinon, moi, une affaire qui a vraiment très, très, très bien traversé le temps, c'est... Puis là, j'ai un blanc. On a parlé de Mario, on a parlé de Contra, on a parlé de Sonic, mais il y a Metal Slug que je voulais nommer tantôt. Ouais, c'est ça, avec tantôt. Ben, c'est ça, Metal Slug, t'as beau jouer à n'importe quel Metal Slug, puis ça a tout le temps été la même formule en plus. On dirait que j'arrive même pas à déchiffrer les Metal Slug. Je suis pas assez fan de Metal Slug pour ça. Mais t'es pas sûr de quel... C'est intéressant parce que Metal Slug, t'es jamais sûr de... C'est tout pareil. Quelle année il a été fait, tu sais. Ouais. Parce que tu te dis, ça a l'air rétro, mais en même temps, il y a trop de stock à l'écran, tu sais. Fait que ça a l'air relativement récent, tu sais, puis... C'est quoi, c'est les années 90 quand même, les Metal Slug? Il y en a même des Ouais, c'est à pas fin, mal là, 80, je pense que Senka, 90. Playmore, tu sais, ils ont commencé à en pomper, man, à la fin. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est un beau jeu, il a bien vieilli, c'est esthétique, moi je pense. Ici, c'est très populaire à l'arcade, sérieux, tout le monde joue à ça. C'est le fun tout à jouer à deux, c'est un jeu génial. Ben, c'est parce que tu pètes du monde sans arrêt, t'as pas vraiment besoin de te poser des questions, là. Non, c'est ça. Ça joue bien, c'est sympathique. C'est pour ça que In the Hunt, je pensais qu'il manquait de... Parce que les personnages à Metal Slug sont tellement colorés. Ils sont drôles. Les ennemis, les prisonniers, tout le monde a comme une farce. Tout le monde a du fun. La touche d'humour. C'est ça. Parce que d'ailleurs, tantôt, on parlait de Genesis, on disait il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Moi, il y a Gunstar Heroes. Ce jeu-là, je peux jouer n'importe quand, c'est tout le temps bon. C'est sûr. C'est très, très, très, très, très rapide, chose qui est pas, qui arrive pas souvent dans les jeux. Ça arrive maintenant, mais... Les jeux de Treasure, ça passe bien à travers la parce que c'est ça, ils sont frénétiques. Exact. Puis les shmups aussi. Les shmups. Les bons shmups, qu'ils soient vieux, au NES, il n'y en a pas, des bons. Pas tellement. Non. Pas vraiment, mais au Super NES, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment non plus, mais... Ah, c'est Twin Bee, ce fameux Twin Bee. Parodius. Defender. Ouais. Defender c'est bon. Un shmup. Même c'est à la Terry, bon. c'est un bon. Defender, ouais, c'est un shmup. C'est comme l'ancêtre du shmup dans un sens. C'est shmup quand il n'y avait pas de power dans la machine. Les ennemis bougent pas. C'est qu'il y a pas mal de choses à faire, tu sais. C'est vrai que si t'avances pas, c'est pas un shmup. C'est ça. Ben, c'est comme un ennemi s'en vient. Tu restes tout le temps dans la même place, tu sais. C'est vrai. Mais les shmups de Saturn, GF. Ouais, Dodon Patchy, Battleground, ça reste tout le temps bon. Toutes les shmups de Cave, tu sais. Chaque fois que je passe à l'arcade Montréal, moi je me tape un petit Dodon Patchy. Je finis le jeu complet. Tu t'assois à cocktail avec ta bière, tu finis Dodon Patchy. Ça me rend heureux. Ouais, c'est ça. Un classique. Puis non, c'est ça. Puis tu sais, In the Hunt, c'est vieux ça là. Ça reste bon. Tu sais, Gradius 3 Super NES, c'est excellent. Moi, je suis pas fan de R-Type, mais ceux qui le sont, tous les R-Type, c'est tout le temps toujours bon. C'est le fun, R-Type. Je sais pas, c'est trop de gestion. C'est vrai que toi, t'aimes pas ça. J'aime pas ça, j'ai il y a trop de gestion. Ouais, mais Christy, t'as adoré Islander. Islander, c'était un peu ça, il y avait quand même de la gestion. C'est pas une affaire que tu lances, puis là, c'est vrai, t'as raison. C'est ça, moi, c'était ouais, mais tu t'en occupes pas, t'as, tu sais, t'as l'espagnol, tu t'en occupes, parce que, tu sais, comme des fois, faut que tu l'aies. En tout cas, c'est trop de gossage. Islander, c'est juste comme badass, là, tu sais. Ouais, vraiment. C'est les guns, là, tu sais. Lock and load, man. Ta. Non, c'est hot. Je regarde la carte, là, Turtles in Time, ça passe le temps, ça aussi, pas mal. Au Super NES aussi. Super NES, tout le monde aime ça jouer à ça. Ah, c'est bon, là, c'est vraiment, vraiment. Puis moi, il y a aussi les jeux de Dunblut, Dragon's Lair, Space Ace. Ah oui. Moi, ces jeux-là, je trouve ça fantastique que ça existe, puis je trouve ça plate que ça existe plus vraiment. En fait, il n'y a pas personne qui a repris le flambeau. Et j'imagine parce que ça coûte vraiment cher. Là. Cher. Ouais, c'est même ça. Dans le temps, là, ces machines-là, c'est un méga CD qu'il y a là-dedans. Ouais. Je pense que t'as une fortune. Là. Si ton CD. Est-ce que tu l'as cité? Ah, ouais, si ton CD était scrap. C'est gros comme un vrai vinyle, mais en CD. C'est pas un compact disc, ça doit être un digital. Je me rappelle comment ça s'appelle cette affaire-là. Ah, ça c'est weird ça. Tu sais, il y a quand même des jeux récents un peu qu'on n'a pas trop mentionné. Moi, j'aime bien. Moi, j'aimais beaucoup Dig Dug. Je trouve que ça joue en oui, très bien. Oui, ouais, vraiment. Puis, j'ai aimé Mr. Driller. Ouais. Autant la version ouais. DS que, mettons, Dreamcast. T'sais. Ça, des fois, une fois de temps en temps, mon DS, je vais le ressortir pour ouais. Mr. Driller spécifiquement. T'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement bien fait, cette affaire-là. Ouais, ouais. C'est un petit puzzle slash drilling. Tu sais, comme. Tu te tannes pas. Tu vas aller chercher quelque chose, puis c'est à peu près les mêmes niveaux que tu vas refaire, ouais. Mais tu peux faire ça tellement différemment que. Tous ces petits jeux-là de puzzle, on a parlé de Tetris, ça. Non, ça passe super bien, là. Mm-hmm. Tu sais, justement, j'essayais de penser aux jeux qui étaient pas terribles dans le temps parce qu'il n'y avait pas la technologie, puis que maintenant, c'est excellent. Entre autres, moi, je trouve que les jeux de pinball. Les pinballs virtuels sont ouais. beaucoup mieux maintenant qu'ils étaient dans le temps, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dises ça, j'ai joué à pinball au NES ouais. avec ouais. Tom Clich, justement. Ouais. On s'est fait une soirée gaming chez nous. Ouais, les petits dauphins, ouais. les petits Atari qui font ouais, sauter qui... un ballon. Exact. Hey, mais je sais pas si c'est moi qui étais bon, là, mais Chris, ça durait longtemps. C'est facile en maudit. Là. Ça finissait plus, ouais. là, tu sais. C'est assez limité comme jeu, pareil. Ouais, oh, il se passe oui. pas grand-chose là-dedans. Là, les NES Black Box, là, les premiers jeux de NES, Popeye, fucking Slim Rider. Ah ouais, il se passe pas grand-chose là-dedans. Il se passe là. Rien dans ces jeux. Breaking Through. Ouais. Il y a très peu de jeux de sport qui vieillissent bien, par exemple. Hein. NHL 94. C'est celui que ouais. j'allais dire. Ouais. C'est Ice Hockey, c'est le fun parce que c'est très arcade. Ice Hockey, c'est cool. Moi, Blades of Steel, je trouve que ça vieillit super mal. Il y a un truc pour compter dans celui-là. C'est pas bon, ouais. Blades of Steel. C'est facile. Baseball ouais. Stars, ça vieillit ouais, bien. Ouais, ça, ouais. Ouais. C'est très bon. D'ailleurs, sur le cabinet Neo Geo, Baseball Stars, là, c'est vraiment le 2. Ouais. C'est comme un ultime jeu de baseball. Okay. Là. C'est vraiment bien fait. Ah, d'ailleurs. Tennis au NES qui vient. Ouais, aussi, ouais. Virtua ouais. Tennis, ouais, vous êtes des fans Virtua de ça. Virtua Tennis, gros ouais, fan. Ouais, version Dreamcast. Là, ouais, au Dreamcast. Vraiment ouais. bien. T'sais. Les jeux de golf aussi vieillissent bien. J'ai pas assez joué à des jeux de golf. Il y a un. Malade jeu de golf sur la Neo Geo ici. Les jeux de là. Sport de Neo Geo sont crispés. Oh! C'est ça qui te manque ici, un jeu de golf avec une roulette, avec une boule. Là, ah, ouais. On aurait pu en acheter un une fois, mais on a laissé ça, faire. C'est ah, Golden Tee que ouais, tu fais. C'est, cool, ouais, c'est ça. Ça, Golden Tee. Ouais. C'est vraiment ça, il y avait tout un vieux monsieur à l'arcade qui jouait à ça. Jouait à ça au bowling. Là. Ça, c'est... Mais, ouais. Si on parle de jeux qui ont peut-être mal vieilli, on pourrait dû parler des platformers 3D de première génération. Ben, genre vraiment. Crash Bandicoot, là. C'est le ouais. fun à jouer ça aujourd'hui. Pas tant que ça. Pas non. tant. C'est ça. C'est moins le fun. Moi, c'est ça, j'ai dit tellement fait, cool puis... dans le temps, puis c'est comme. Il y en a eu trois, puis ah. Warp, puis le karting, ou je sais ben, pas. Ben, les. Quoi, moi, c'est ça. C'est. Toutes les 3D platformers de PS1. Puis ouais. Nintendo 64, j'ai énormément de misère à jouer aujourd'hui. Là. Ouais. C'est laid. Ça a mal vieilli au bout, là. Tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, je dirais, un jeu qui c'est a extrêmement mal vieilli, là, à ma déception ultime, c'est Final Fantasy VII, OK? Je l'ai racheté, c'est un jeu ouais. de PC. Puis là, il disait, ah, oh, tu vas avoir des textures high def. Ils n'ont pas refait les polygones. C'est laid, là, tu sais. Puis tout est laid. T'sais, dans le temps, c'était beau parce que c'était nouveau, mais ça a tellement mal vieilli. Ouais. J'attends tellement le remake. Là, ouais. bien, parce que l'histoire est bonne. Ouais. Bon, les personnages, ils ont toute une belle personnalité. C'est ouais. fun. Mais tabarnouche que c'est laid. T'sais, t'es non. comme... Ah! Oh, sérieux, là, j'ai de la misère avec... malheureusement, là, le PlayStation 1, là, il est... T'sais, genre, un autre jeu aussi que... J'ai rapidement... Je me suis aperçu qu'il fallait jamais que je rejoue. Ouais. Les souvenirs sont merveilleux. Silent Hill 1. Ouais, ouais, c'est vrai. Tellement hot à jouer. C'est une expérience incroyable. De, ouais. L'ambiance était là, la peur. Mais tu rejoues à ça, c'est net, c'est carré. C'est vrai. Le premier Resident Evil. Là, Resident Evil 1, là, c'est dégueulasse. Puis les contrôles. C'est vraiment dégueulasse. Les contrôles étaient horribles, dans le fond. Ouais, c'est vraiment sluggish. Ah, oh, man. Mais le remake HD, par exemple, il était bien fait. Je l'ai fait, pas essayé, là. En fait. Ça avait bien de l'allure. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est pas terrible à jouer à ça. Là. Ça a mal vieilli. Mm-hmm. Ben, c'est ça, les pré-rendus dans le temps que la 3D commençait n'étaient pas les mêmes que maintenant. Ben, là. Le pré-rendu lui-même, il est pas pire parce que c'est beau. Ouais. Final Fantasy VII, c'est peut-être la seule affaire qui est cute. C'est le pré-rendu dans le background. Ouais. Mais les personnages, t'sais, c'est... T'as huit personnages, c'est les triangles. T'as huit triangles qui te regardent. C'est quoi? Je veux-tu fesser ce triangle-là? T'sais, c'est... Avec mon arme qui est aussi un triangle. C'est ça. C'est plus, là. T'sais, ça... Ouais. Aïe, aïe. Mais ouais, mais il y en a quand même des beaux jeux. Je veux juste dire, la Wii... Super Mario Galaxy 2, quand là, même, c'est quand même récent. C'est pas là, si vieux, là, mais c'est... Super Mario Galaxy 2, il est encore excellent comme jeu. Ouais, je pense qu'il va bien vieillir ce jeu-là parce qu'il est tight là, genre, à tous les niveaux. Ouais. Moi, c'est un de mes jeux là, parfaits là, de la vie là, que tu moi dis. Aussi. Là. Tout est là dans ce jeu-là. Je pense que lui, il va pouvoir bien poursuivre. Ben, moi, je pense que c'est le motion gaming qui le tue. Là. C'est ça, le fait d'avoir à pointer ton écran pour avoir à sélectionner des affaires, puis les étoiles, puis des trucs comme ça. Mais tu peux quand même jouer assez mou là, avec... Tu peux jouer. On avait expliqué la position du gamer paresseux dans un autre épisode. Tu peux, dans notre revue des manettes, on l'avait dit. Là, ouais. Tu peux clairement être vaché avec une manette de Wii puis ton nunchuk. C'est un avantage non négligeable. T'sais. C'est vrai. Mais moi, je suis d'accord. Le motion, c'est sûr qu'on va pas rejouer à Wii Bowling. Non. Genre en gang. C'est fini ça. C'est ça. On était bordé. Bonne game. Là, oui, bon <lame. rire> ça, clairement, tu sais. C'est le futur. Mais il y a quand même. mais c'est ça, des beaux petits jeux. Oui. Ah non, il y a eu des beaux jeux. Puis moi, je pense qu'à peu près tous les styles ont bien traversé l'épreuve du temps parce qu'ils ont su s'adapter. Là, mais tu sais, comme les jeux de course sont meilleurs. Les jeux de pinball sont meilleurs. Ouais, à mon avis. Il y a très peu de styles qui sont morts avec les années. Exact. À part les laser discs, là. Les laser discs, ça, c'est pas mal. C'est fini, là. Ça n'existe plus. Puis... On est triste. Brûle des lampions. fait que ça conclut pas mal. Ouais. T'en avais, il t'en restait. Le dernier, là. Street Fighter Third Strike. Juste pour dire que... Fallait qu'il est là, mais vous regardez les graphiques de ce jeu-là, ils sont beaux. Ils ont bien ouais, le gameplay était tête. Le pari, c'était malade, mais ça a bien vieilli, c'est tout. Minute un autre Street Fighter. Un autre. Minute Street Fighter 4. Street Fighter Turbo. Ils sont pas encore vieux. DLC. Il y avait Guy, là. Il y a des Guy vient de sortir. Il vient de sortir. Fait que... Yes. Par la toune de fin, GF. Eh oui. C'est fait en montage. C'est fait en montage. Vous l'entendez présentement. Ben oui. Excusez, je suis plus habitué avec la nouvelle tech. Là. On est plus lourd, on n'a pas d'écouteurs. C'est ça. On est comme... C'est plus relax. Freestyle. On est plus freestyle. Fait que, bon, rappel du Patreon. Ouais. Comme à chaque fois. Exact. C'est quoi l'adresse? Patreon.com. Chercher Rétro Nouveau là, dans Patreon. Je pense que c'est patreon.com/Rétro Nouveau. Ça nous aide à payer notre serveur qu'on est dû à renouveler ce mois-ci. Exact. Oh. Fait du bien de ne pas le payer pour une fois. Ouais, c'est le fun. Ouais. Ça paye nos consommations ici. Même si on est chez Arcade Montréal, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ça paye l'équipement aussi, là, les webcams, pas le laptop, ça c'est à moi, là, mais tout ce qui est l'équipement là, qu'on a besoin, là, les trépieds et tout ça, les micros, ça nous aide énormément, votre support. C'est très merci apprécié. Beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Puis allez faire un tour sur notre nouvelle boutique Society 6. On n'a pas donné l'adresse. Oui, c'est ça. Society6.com/young. Ouais. Tous les projets sont là-dessus. Si vous allez en bas dans le menu de gauche, il y a un truc qui s'appelle collection. Ils sont tous bien identifiés par collection, par projet. Et en fait, voilà. Là. Sinon, allez sur notre page Facebook de Rétro Nouveau. Puis en haut, il y a un piton Shop Now. Ça vous amène direct à la boutique dans la collection de Rétro Nouveau. C'est merveilleux. C'est vrai. Sur la page Arcade Montréal aussi, bien. Ça fait ça. Exact. Tu rajoutes un bouton Shop Now. Ouais. Sinon, allez sur la page de Young, puis ça vous amène sur toutes les collections en même temps. Bon. Tout est fucking tight. C'est fou. Tout est tight. Ah, mes culottes. Tight. Tight like a toy girl. Tight like a toy girl. Déchirement qu'on vient d'entendre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de shows qui se sont rajoutés sur RZO. Oui. Rendu à 65, je pense. Tabarouette. J'en ai comme 4-5 en attente dans mon inbox de email que j'ai pas le temps. Là, fait que ça monte. Ça marche, man. Si vous voulez découvrir les podcasts, allez là-dessus. Il y a une section catégorie par sujet. Oui. Vous allez assurément facile. Trouver de quoi qui vous intéresse. C'est la, parce que, mettons, moi, j'ai vu c'est un très podcast pop. Là, hein, c'est quoi cette affaire-là? J'allais voir. Là, au lieu de « je vais sur iTunes, ils sont-tu sur iTunes? » Ah non, ils sont fait une page blogger, je sais pas quoi. Non, tu pars, là, tu fais finalement, play. Finalement, je vais sur RZO, man, paf, il est là, tu l'essayes. Tu fais, tu m'as fait milieu, tu screen l'épisode, tu fais « ah, ça m'intéresse, oui, non. » Tu peux passer à autre chose. Exact. C'est un buffet. C'est ça, ça continue à évoluer. Là. Un buffet de podcast. Buffet à volonté de podcast. Ouais. Que, hey, ouais, you can listen. Un buffet pour tes oreilles. Sinon, toujours disponible sur Facebook. Oui. Pourquoi on dit ça à chaque fois? Hein? Le monde juste rappeler savent. Le monde le savent, mais en fait, on est sur Facebook, on est sur Twitter. C'est pour dire des Facebook.com/retro_nouveau. Oui. Oui. Et puis sur... Non, c'est sur Twitter, ça. Ouais, c'est ça. C'est sur Twitter. Sur Facebook, c'est Rétro Nouveau. Ah ouais, ouais, on a réussi à l'avoir, ça, lui. Ben oui. Good. Ben oui, retronouveau.ca. Allez faire un tour sur le site. Il y a plus que juste le podcast, là, ouais. Des critiques. Ben oui. Mario fait un job de feu, là. Ouais. Mario qui est pas là ce soir, s'est fait slacker de l'épisode. C'est ça. Ouais, c'est ça, Mario. À soir, on voulait faire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Ouais. On avait sauté une semaine. Fait que là, ça a fait trois semaines. Team original. Donc, on s'est fait un petit épisode nous-mêmes. Mais Mario va revenir. Mario ben, Jean-Luc. Ben aussi, il faut qu'on parle à Ben. Ouais. Lui, le lundi, je pense que c'est plus compliqué. Il y a une nouvelle job. Ouais. Mais en tout cas, il y a aussi. On va voir. Ouais. Et puis, il y a Baroque Larouche qui était supposé venir il y a très longtemps. Oui. Et puis, il m'en a reparlé. On était sous, il m'en a reparlé. C'est vrai. On est vraiment dû pour le réinviter. Il y avait eu une méga grippe, puis il avait dû canceller son. Ouais, ouais, c'est vrai, ça. Il était couché une grippe d'homme. Quand est-ce qu'on fait un spécial schmop avec Termina Slot? Ah, il hey, faudrait. N'importe quand. On serait dû, ah, oui. On serait dû, certainement. On va faire ça. On va inviter des Power Chasers, puis on va schmopper. All right. Ouais, puis on prépare Underground, un épisode devant public à Arcade Montréal qui s'en vient. Oui. Est-ce qu'on dit le thème tout de suite? Ça va être gros. Non, on le dira pas tout de suite. Quelque chose de gros qui s'en vient. Un gros événement. Ça ouais. Sera pas ce que notre test a été, en fait. Là. Exactement. Le test, c'est juste pour tester la technique du bar, mais on prépare de quoi de gros. Là. Vous allez regretter de pas être là si vous êtes pas là. Ah, exact. Non, c'est ça, c'est ça. Restez pas chez vous. Big. Ah, ça va, big. Ça va être gros. Gros. Fait que moi, j'ai regardé les gars sur Twitter, en ouais. Fait. Ouais. C'est vraiment bizarre parce que on disait, tu sais, que... En fait, on pensait qu'on on avait commencé en 2012, ouais. Finalement en 2011. Ouais. Finalement, on a Éric Landry sur Twitter qui nous dit qu'on a commencé en 2008.